Bonsoir tout le monde, on va doucement essayer de s'y mettre. D'abord, un grand merci d'avoir fait le déplacement et d'être là ce soir. Moi, je vais juste glisser un mot et demi pour essayer d'expliciter un peu la démarche dans laquelle a été envisagée cette AG du livre. C'est co-organisé en grande partie par le Café Librairie Michel Fir, qui est un lieu un peu à part le monde enchanté du livre, puisque c'est un café librairie qui existe depuis plus de 10 ans sur un mode bénévole, quand bien même y participent activement des éditeurs et des libraires qui travaillent ailleurs, qui sont rémunérés pour leur activité ailleurs dans le civil. Et donc pourquoi autant d'énergie dépensée? Parce que justement on estime important de faire, de permettre d'exister des espaces pour les livres qui nous importent, qu'on a une certaine idée, une certaine exigence de ce que peut être la littérature ou le débat d'idées, et que justement c'est cette attente qui est aujourd'hui menacée par Bolloré. Alors, par ailleurs, on est un espace un peu bâtard, puisque justement, on n'est pas contraint de la même manière que la plupart des autres acteurs par des enjeux économiques. Mais ça n'a jamais empêché qu'on essaie de, à notre échelle, intervenir et essayer de réfléchir collectivement sur ce que la chaîne du livre pouvait ou se devait de faire. Par exemple, pour les 10 ans de la librairie, on les avait célébrés, fêtés en organisant justement un débat, une discussion qui réunissait éditeurs, imprimeurs et auteurs autour de la thématique défaire la chaîne du livre, retrouver sa communauté. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on co-organise les festivals du SLAP, donc Festival de littérature féministe et queer, et de PLS, un salon de poésie alternatif aux grandes foires à la poésie qui peuvent exister. On a fait partie des premiers signataires des tribunes qui sont récemment sorties, donc celle contre la colonisation par l'extrême droite de nos imaginaires à l'été 2024, et plus récemment celle en 2025 qui appelait à se structurer en librairie ouvertement antifasciste, et donc de tenter de faire barrage à Bolloré. Donc, de fait, pour nous, ça faisait pleinement sens mettre à disposition les infrastructures de la parole errante, qui ne sont pas forcément celles auxquelles tout le monde a accès, tout en se sachant très peu représentatif. Et donc, nous, on va essayer de s'effacer autant que faire se peut pour permettre une discussion. Ce qui est prévu, c'est d'avoir une tribune avec l'intervention de 4 personnes au final, ou 5, je ne sais plus. Pour un peu initier la discussion, mais l'idée c'est de finir ça assez rapidement pour ensuite pouvoir vraiment échanger et réfléchir collectivement. Tout ça est enregistré pour les archives de la parole errante et de la librairie. Cela dit, on peut couper au montage, donc ne vous retenez pas. Par contre, c'est aussi rediffusé en direct. Et là, je vais demander aux diffuseurs de nous expliquer où, comment et pourquoi. Bonsoir. En fait, on accompagne depuis presque un an maintenant l'initiative Déborder Bolloré et puis d'autres avec une radio qui est une radio autogérée à Paris qui s'appelle Pinode, et où on essaie d'archiver plusieurs de ces discussions, mais aussi de les rendre accessibles à des gens qui ne sont pas toujours à Paris et qui peuvent suivre en fait le fil des discussions, ce qui nous permet à la fois d'archiver puis aussi de diffuser, donc dans un contexte tout à fait amical. Voilà. Et donc du coup, je te laisse introduire les différents intervenants intervenantes. Du coup, on s'est dit que c'était chouette de faire un petit bilan et perspective de cette campagne contre Bolloré et son emprise dans le monde du livre, après maintenant quasiment une grosse année où il y a plein de choses qui sont passées. Et afin de que tout le monde soit un peu au même niveau, il y a quelques personnes qui ont participé à différentes choses qui vont nous raconter un peu. Il y a moi qui vais faire un petit récit subjectif de ce qui s'est passé dans les librairies, mais il y a plein de camarades libraires qui sont là qui pourront compléter. Il y a quelqu'un pour la campagne de Désarmer qui va raconter ce qui s'est passé dans la campagne de Désarmer. Il y a des co-éditeurs du livre Débordé Bolloré qui est sorti au printemps dernier, qui vont nous raconter qu'est-ce qui a préludé au geste de faire ce livre, comment s'est fait ce livre et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça produit. Il y a une personne sur ma gauche qui va raconter la tentative de Chère Auteurice et l'interpellation des auteurs et autrices qui publient chez Hachette. Qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça révèle. Et il y a des gens qui ont créé une application qui s'appelle ISBN. Je sais pas le nom. ISBN. Pour savoir en fait à qui appartient quel livre, qui vont aussi nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc le but c'est de faire un peu tous ces petits bilans là et après c'est que la parole circule un peu largement pour savoir comment on continue, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Que ce soir c'est chouette, il y a plein de têtes connues, des têtes que je connais pas, avec des éditrices, des libraires, des gens qui travaillent dans la distribution, des gens qui travaillent un peu dans le livre largement, mais aussi des lecteurs et des lectrices, et comment on a envie d'avancer tous ensemble pour se réapproprier le livre et défaire l'emprise que Bolloré et son monde, et aussi tous les autres capitalistes qui possèdent le livre, sont en train de faire. Qui veut commencer ? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marcel, je fais partie des Soulèvements de la Terre et je vais vous faire un petit tour d'horizon de qu'est-ce que c'est que la campagne Désarmer Bolloré, de ses objectifs, de aussi c'est quoi un peu les résultats des enquêtes qu'on a fait sur Bolloré, donc qu'est-ce que l'Empire Bolloré. Je vais passer un peu de temps là-dessus et puis qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire. Et je vais essayer de faire tout ça en moins de 15 minutes. Donc, je pensais faire un petit point de contexte d'abord. Sur le fait que le fascisme a toujours accédé au pouvoir lorsqu'il y a eu des alliances entre l'extrême droite quoi, et les capitalistes. Ça s'est toujours fait de cette manière-là. Alors je sais que c'est un peu dur de commencer avec un point Godwin, mais c'est parti. Il y a toujours un exemple que j'aime bien raconter, qui est celui de... c'est Joanne Chapoutot qui nomme un monsieur qui s'appelait Alfred Hugenberg. Il dit que c'est le Bolloré allemand. Et en fait, c'est un monsieur qui, dans les années 30, possédait plus de 1600 journaux et qui a mis tous ces journaux au service de la nazification de la population en Allemagne. Une fois que Hitler a accédé au pouvoir, c'est devenu un de ses ministres. Et ce monsieur était un industriel. Et voilà, c'est pour ça qu'on fait cette petite comparaison avec Bolloré. Cette campagne Désarmer Bolloré, elle a été lancée donc au moment des législatives elle a été lancée par de nombreuses organisations qui sont à la fois écologistes comme les Soulèvements de la Terre par exemple, mais aussi des assos et des collectifs féministes, syndicales, antifascistes, antiracistes, etc. Les objectifs un peu de cette campagne, ils sont triples, puisqu'ils sont à la fois politiques, c'est-à-dire réussir à penser la fascisation de la société autrement que uniquement avec un prisme électoral et celui de « ah bah tout ce qu'on peut faire c'est mettre un bulletin de vote dans l'urne », bah non. Il est aussi tactique, dans le sens où le fait de se dire « bon bah on commence où ?» On commence, on prend Bolloré et en fait... Ce qui est assez pratique avec Bolloré, et ça c'est ce que je vais expliquer un peu après, mais c'est le fait qu'il est un peu partout. On pourrait résumer ça par le financement de la fabrique de la haine se fait près de chez vous. Et en vrai, il y a une carte qui a été mise en place. Si vous tapez Gogo Carto Bolloré sur Internet, vous pouvez y avoir accès. Et c'est assez intéressant de voir qu'au final, Je ne sais pas où, si vous habitez pour la plupart en Île-de-France ou ailleurs, mais en tout cas, très certainement, il y a un site qui finance, enfin qui rapporte de l'argent à Bolloré, pas très loin de chez vous. Et enfin, le dernier objectif aussi avec cette campagne, c'est plutôt un objectif organisationnel, dans le sens où quand on, enfin, il y a tellement de personnes qui détestent Bolloré et qui sont concernées par ce que fait Bolloré, que du coup, quand on essaye d'agir contre lui, eh ben, on fait plein de liens. Ça permet de faire plein de liens avec des gens, et c'est assez intéressant en termes de le front large que ça, que le fait de lutter contre Bolloré peut aider à constituer. Je ne dis pas forcément qu'on a complètement réussi depuis le début sur cet aspect-là, mais en tout cas, je pense que ça peut permettre de participer à ça. Parmi toutes les choses qu'on a fait au sein de cette campagne, on a pas mal fait d'enquêtes. Il y a un groupe enquête qui s'est constitué et qui a essayé de mieux comprendre ce que c'est Bolloré. Ça me semble quand même important de vous partager un petit peu ce qui en ressort, même si j'imagine que comment dire, vous en savez déjà un rayon. Ne pas faire de jeu de mots. Donc, l'Empire Bolloré. Nous, on aime bien se le représenter comme une sorte de monstre à quatre pattes, quoi. Et ces quatre pattes, c'est quoi ? Alors, la première, c'est tout ce qui est un peu l'Empire colonial, néocolonial. Et ça, en fait, c'est vraiment par cette manière-là que Bolloré a constitué sa manne financière. En gros, l'Empire Bolloré, il commence avec la papeterie, il commence avec... ensuite du papier cigarette, et il va se spécialiser dans le secteur des cigarettes. Et c'est là où on commence à apercevoir la marque de fabrique de Bolloré, et qui, vous allez le voir, c'est un peu un fil directeur de la manière dont fonctionne le groupe Bolloré. C'est le fait de prendre possession de vraiment l'ensemble de la chaîne de la production. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et qu'on va retrouver dans ensuite de nombreux autres secteurs. Mais donc, il commence à faire ça avec la production de cigarettes, et ça l'emmène vers en fait, la distribution des cigarettes et donc la logistique. Et il profite des vagues de privatisation des infrastructures qui sont imposées à de nombreux pays africains par le FMI, pour prendre le contrôle de nombreux ports, infrastructures routières, ferroviaires en Afrique. Et ça, pour vous représenter à quel point c'est vraiment fondamental dans la manière dont l'Empire Bolloré s'est gagné de l'argent, vers les années 2010, la partie Bolloré Africa Logistique, ça représentait 80% des bénéfices du groupe Bolloré. C'est vraiment un empire colonial qui s'est constitué sur le pillage des économies africaines. Et ça, alors certes, il a vendu des ports, mais en tout cas, il en reste une partie. Il a toujours des parts dans la Socfin, et qui fait de l'huile de palme. Donc il a, je crois, plus de 400 000 hectares de plantations en Afrique et en Asie. Et il y a de nombreux articles qui évoquent la spoliation de terre, la déforestation, et notamment les violences physiques et sexuelles que subissent les riverains et surtout les riveraines de ces plantations. Pour ça, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à la fois à l'article de Lola Kerraron sur Basta et sur le site de la campagne, où il y a eu l'article, le groupe enquête a publié un article là-dessus. Ensuite, l'autre patte de cet empire, c'est plutôt tout l'aspect industriel. Et ça, là-dessus, Bolloré, il fait à la fois de la logistique pétrolière, mais il fait aussi plein de trucs sur le contrôle des flux. En gros, il est fan de portiques. Il adore contrôler les accès. Moi, fun fact, j'ai commencé à donner des cours dans un endroit. Et du coup, à chaque fois que je devais accéder dans cet endroit, je devais scanner un badge sur des portiques Bolloré, quoi. Là, je ne sais pas si vous avez vu les nouveaux portiques pour passer du métro à la gare Montparnasse. Maintenant, vous voyez un petit Easier. Et bien ça, c'est Bolloré. Et si vous regardez un peu, même maintenant, les portiques pour aussi accéder au train, c'est Bolloré. Bon, il adore les portiques, et ça va même jusque dans des aéroports, des portiques de contrôle à l'immigration. Il est un peu cohérent quand même, le gars, avec de l'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance faciale. Voilà. Donc il a vraiment tout un aspect contrôle des flux. Il fait même des logiciels. Enfin, le groupe Bolloré fait même des logiciels pour la commande vocale pour les ouvriers de la logistique, qui est vraiment un truc très déshumanisant. Et ça va jusqu'à des batteries électriques. Donc ça, c'est encore un autre aspect de l'Empire Bolloré. Un troisième aspect, c'est tout ce qui va être sur le plan culturel. Là, je vais pas, enfin, même si ça, Enfin, ce que j'entends par culturel, là, c'est tout ce qui va être sur, par exemple, l'industrie du film ou les salles de spectacle. Et à vrai dire, c'est moins connu, mais il le fait beaucoup en France, mais il le fait également en Afrique. Là, ça s'est vu notamment par le fait qu'il essaye de racheter MultiChoice, qui fait de la production et de la diffusion de films en Afrique francophone. Et en France, on voit que de nouveau, il a cette démarche d'essayer de contrôler tout, enfin de prendre possession de toute la chaîne de valeur. Ça se voit par le fait qu'il acquiert Studio Canal qui fait de la production et de la diffusion. Il a Canal Plus qui vient financer l'industrie du cinéma. Et puis là, il est en train d'acquérir les salles de cinéma UGC. Merci. Et on voit qu'en fait, évidemment, il y a un aspect politique à ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Canal Plus est en train de produire l'adaptation du livre de Zemmour, Le suicide français. Eh oui, ouais, c'est pas. Voilà. Du coup, ce n'est pas juste économique, mais c'est économique, mais c'est politique également, ce qui est quand même assez problématique. La dernière patte de cet empire, c'est celle qu'on connaît le mieux et qui vous concerne aussi, enfin qui nous concerne le plus, qui est tout l'aspect communication et médias, quoi. Qui va donc des nombreux médias qui, bah, du coup, avec à la fois les radios, les chaînes de télé, les journaux papier, les livres, et ce qui lui permet, quand il diffuse des informations, de faire une sorte de caisse de résonance. Bien planifié pour essayer de créer l'information, quoi, c'est-à-dire décider de ce qui va faire le moment médiatique, ce qui va être important sur le moment. Mais c'est aussi des agences de pub, c'est aussi des agences de conseil en communication, des instituts de sondage et puis des groupes d'édition. Et si on prend de nouveau le milieu de l'édition, on voit de nouveau que c'est encore cette logique d'être présent sur toute la chaîne de la valeur, avec notamment le fait qu'il soit dans la distribution, avec Hachette Livre Distribution, mais aussi l'impression avec Lightning Source France et jusqu'à la commercialisation, notamment avec les relais. Voilà pour une petite description de cet empire, même si on pourrait encore... Oh si, je vais encore en dire juste un dernier bout, parce que vraiment, c'est... Mais promis, c'est la dernière chose que je dis, parce que sinon, ça peut être vraiment très très long. Là, en ce moment, je crois que ça va commencer très bientôt. Il y a des procès qui s'ouvrent pour corruption d'agents étrangers. Et ça, c'est relatif à ce que le groupe Bolloré a mis en place pour essayer d'acquérir des ports au Togo et en Guinée. Et la manière dont il a fait ça en Guinée, je trouve, nous informe énormément sur ce qu'il est en train de faire en France. En fait, ce qu'il a fait, c'est au moment où Alpha Condé était en campagne pour l'accès au pouvoir, il a utilisé notamment ses agences de communication pour financer, je crois, à hauteur de la moitié, une biographie sur Alpha Condé. Et de cette manière-là, il a essayé de faire des élections, quoi, en Afrique. Et du coup, ça résonne quand même assez sinistrement avec les nombreux livres qui sortent en France, notamment sur Jordan Bardella, où du coup, on voit un peu une sorte de miroir il a réussi en Afrique et du coup, il essaye maintenant de le faire en France. Voilà pour la dernière chose que je voulais vous dire sur cette petite cartographie de ce charmant empire. Et donc, pour conclure ma prise de parole sur qu'est-ce que cette campagne a participé à faire depuis le début et puis quelles sont là les perspectives pour la suite. La campagne a commencé notamment avec la focale qu'il y a eu, mais ça je pense qu'on va revenir dessus sur le milieu de l'édition, donc avec cette tribune au début qui est sortie, comme le disait le camarade avant, des libraires antifascistes. Puis il y a eu toute cette... ces marque-pages qui sont sortis et puis l'appel donc à faire en sorte de dégrader l'image de Hachette et à essayer d'escamoter les livres du groupe Hachette, en tout cas de les mettre moins en avant et d'essayer d'initier une sorte de boycott de cette manière-là, qui a pris forme avec notamment des marque-pages. Et puis suite à ça, il y a eu notamment les journées d'action décentralisées contre l'Empire Bolloré, et où là ce qui a été intéressant, c'est que vraiment toutes les branches du groupe Bolloré ont été ciblées, c'est-à-dire les quatre pattes que je décrivais de cet empire Bolloré, toutes les quatre ont été ciblées. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'actions dans toute la France et même jusqu'en Belgique, où par exemple un site de contrôle et de sécurité, a priori n'était pas très bien sécurisé puisqu'il y a eu du désarmement à l'intérieur, mais il y a eu aussi des manifestations festives, il y a eu une école de journalisme où Bolloré a pris des parts, qui a été repeinte, qui a du coup dû fermer après. Il y a eu des tractages, notamment pour dénoncer les liens entre la recherche publique et le groupe Bolloré. Je vais revenir là-dessus. Ça a été vraiment très, très joyeux, diversifié. Voilà. Ensuite, un autre grand moment de la campagne Bolloré, ça a été notamment le fait qu'il y a une armada de bateaux qui se soit élancée vers les îles que détient Bolloré, que Bolloré accapare. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps, au mois de juin, non ? Mai, au mois de mai dernier. J'oublie très certainement d'autres moments de la campagne. N'hésitez pas à me dire si jamais j'ai la mémoire un peu qui flanche. Mais en tout cas, sur les perspectives, il y en a trois principales. Je vous évoquais tout à l'heure les liens entre la recherche publique et le groupe Bolloré. En fait, il y en a de deux types. Il y en a notamment entre la SOCFIN et notamment le CIRAD à Montpellier, mais aussi avec d'autres universités en France et en Belgique. Et il y a également, sur tout l'aspect batterie électrique, il y a également des liens avec notamment l'Université de Grenoble, l'Université de Nantes et d'autres. Et donc, suite à ça, il y a une dynamique qui s'est lancée, qui ne va pas uniquement se concentrer sur Bolloré, mais plus largement. Enfin, la dynamique s'appelle Stop Recherche Complice. Ça va normalement concerner aussi d'autres complicités, comme par exemple les liens entre la recherche et des entreprises israéliennes ou des entreprises françaises d'armement qui contribuent au génocide en Palestine. L'idée, c'est qu'il y ait plusieurs journées, alors plutôt vers le mois de février normalement, pendant lesquelles, dans de nombreuses facs et instituts de recherche publics, ces partenariats-là de recherche soient contestés, puisque de fait, ils contribuent à la fascisation de la société, entre autres. Il y a également, vous voyez, pour tous ces portiques-là, à chaque fois, je me rends compte, ah oui, ça, c'est encore Bolloré, des gens ont eu la super idée de faire des petits stickers pour qu'à chaque fois, on puisse matérialiser le fait que ça appartienne à Bolloré. Donc, malheureusement, on n'en a pas ce soir, mais peut-être que vous les croiserez dans des lieux militants dans l'avenir. N'hésitez pas à vous en saisir et donc à vous renseigner pour à chaque fois vous croiser un portique qui appartient à Bolloré. Voilà, le notifier. Il y a également donc toute une dynamique qui a été lancée autour des manuels scolaires, puisque plus de la moitié des manuels scolaires de nouveau appartiennent au groupe Bolloré. Au mois de février, il y a eu une pétition, une tribune qui a été lancée par FSU 17 pour dénoncer cela. C'est une initiative qui est encore en cours. Là, il y a de nouveau encore un autre texte qui va sortir pour dénoncer le fait que l'achat de tous ces manuels, ça contribue de nouveau à la propagation de la haine dans la société, à ce que des propos islamophobes, masculinistes, à la fascisation de la société, et pour dénoncer ça vivement. Il y a des différentes régions qui prennent ça un peu plus en charge, et notamment, c'est le cas dans le 93. On m'a dit de vous informer que Sud Éducation 93 lance une campagne localisée avec notamment de la production de tracts et affiches, et il y aura une réunion ouverte le 14 novembre à 17h en salle ENAFF. H-E-N-A-F-F, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous y rendre si ça vous intéresse, sachant que les personnes qui sont à l'initiative de ça aimeraient notamment avoir plus de liens avec les personnes qui travaillent dans le milieu de l'édition. Voilà, merci de votre écoute et j'espère que j'ai pas été trop longue. Je propose qu'on procède par ordre chronologique. Du coup, moi, librairie, après débordé, après le Où is Ben, et après Cher Autoris. Ouais. Du coup, pour parler des librairies, un peu pour situer, donc moi j'ai été libraire pendant longtemps en région parisienne, libraire ici en n'étant pas payé, libraire employé dans une librairie de l'Est parisien, et j'ai passé la dernière année en étant libraire dans un petit village de Haute-Loire en Auvergne. Et en fait, tout a commencé au moment des législatives en juin 2024, un peu l'effet de sidération de la dissolution, la crainte de l'extrême droite qui arrive vite au pouvoir. Tout le monde est un peu tétanisé, personne ne sait trop quoi faire. Et parmi des libraires sur Instagram, circule l'idée de faire une espèce de tribune pour dire que depuis les librairies, on n'est vraiment pas content par rapport à ce qui se passe et qu'il faut vraiment réagir et dire un truc. Du coup, ça fait une tribune qui est écrite assez rapidement, un peu dans l'urgence du moment, plein d'indignation, de colère, mais en même temps avec des objets un peu flous. Et bon, finalement, le RN ne passe pas, on en reste un peu là. Au même moment, on apprend que quelque chose contre la campagne, la campagne des armées Bolloré se lance. Depuis les librairies, on a bien vu que Vincent Bolloré, en passant de éditiste numéro 2 du livre à Hachette numéro 1, après avoir raté la fusion des deux, est en train de mettre un gros pied dans les librairies. En plus, même du point de vue des librairies indépendantes, mine de rien, Hachette, c'est compliqué de s'en passer à plein d'endroits et à plein de moments, notamment dans les livres jeunesse, les livres de cuisine. Et en fait, ça nous fait chier vraiment de vendre ces bouquins quand on sait que ça finance les FAF et que les gens ne se rendent pas compte que quand ils vont acheter un petit livre pour leur enfant ou alors quand ils vont acheter un roman ou un bouquin de recettes de champignons, que ça va financer Pascal Praud à la fin. Donc il y a ça qui est un peu en germe et ce qui a un peu marqué à ce moment-là, c'est l'annonce par Fayard de l'édition du bouquin de Bardella. Faut-il le rappeler que ça fait 40 ans que l'extrême droite n'arrive pas à trouver des éditeurs à part dans des marges avec des bouquins moches, introuvables et encore heureux. Et là, il y a Fayard qui tire monstrueusement Bardella. Donc là, ça fait un peu un électrochoc. Un an après, c'est un peu lugubre de voir dans le top des ventes non seulement Bardella avec son deuxième bouquin, Zemmour et Philippe Devilliers. Et voilà. Donc en fait, là, du coup, il y a un peu l'idée de faire une deuxième tribune un peu plus conséquente, un peu plus engagée, avec ces espèces de propositions scandale et en même temps très irréaliste du boycott, qui à la fois dire que les librairies vont appeler à boycotter, mais en même temps, on sait très bien que pour beaucoup de librairies, c'est compliqué de réellement boycotter parce que une bonne partie du chiffre d'affaires, entre 20 et 30%, pour faire large, de certaines librairies dépend de Hachette, mais juste aussi en fait appeler aux lecteurs et lectrices à ne pas acheter ces bouquins-là parce qu'on n'en a pas besoin. S'en est suivi énormément de débats et avec plein de librairies parce qu'il y a une boucle WhatsApp qui s'est créée avec des librairies aux quatre coins de la France. Plein de gens qui ne comprenaient pas la question du boycott. D'ailleurs, c'était un peu marrant de voir la cartographie des librairies qui ont signé cette tribune et celles qui étaient vraiment très contre le fait de la signer. On a reçu beaucoup de critiques de librairies de grandes villes en disant oui, certes, il y a Bolloré qui achète, mais en fait, quand on voit MDS détenu par Vincent Montagne, qui est un peu le Bolloré belge, Gallimard qui tient son fonds de commerce avec les nazis. Enfin voilà, en fait, un peu, ils sont tous pourris dans ces grands groupes éditoriaux. Pourquoi Bolloré plus qu'un autre? On pourra en discuter plus tard. Et en fait, à l'inverse, beaucoup des librairies qui ont signé, c'est des librairies dans lesquelles j'étais, c'était des librairies de petites villes de province ou des librairies de campagne dans lesquelles on est un peu seul dans nos boutiques, un peu tétanisé par tout ce qui se passe. En même temps, ne voir bien que les gens qui viennent dans les librairies ne sont pas au courant vraiment comment ça marche, le monde d'édition. Et en fait, c'était cool, c'est que cette truc de boycott couplé au marque-page, ça a fait un prétexte de plein de discussions avec des lecteurs et des lectrices qui, pour une fois, on pouvait faire des grands tunnels sur comment ça marchait, le million d'éditions. En fait, là, quand tu achètes ce bouquin-là, en fait, stock, c'est Bolloré. Et du coup, ça arrive aussi juste avant les fêtes, c'était un peu cool parce que pour pas mal de librairies avec qui j'ai pu discuter, ça a permis de refaire les tables un peu différemment et en fait de politiser un peu ce que tu vends et que des livres politiques, c'est pas seulement si l'auteur est vu de gauche ou vu engagé ou vu comme politique ou le contenu est de gauche, c'est qu'est-ce que ça finance, qu'est-ce que ça fait tourner. Et c'est vrai que moi, l'année dernière, à chaque fois que je voyais un carton Hachette, je voyais la tête de Bolloré et je me disais que c'était moche, mais que c'était un peu le cas, quoi. Voilà. Donc en fait, il y a un peu cette question-là de enfin, en tout cas, moi, depuis mon point de vue de libraire avec les gens avec qui j'ai pu échanger, je trouve que ces tribunes ont un peu mis des grands pavés dans la mare. C'est chouette qu'on a pu lancer. Par contre, la question, c'est comment on tient ça sur la durée, parce qu'on ne va pas pouvoir s'indigner à chaque fois que Bolloré sort des bouquins horribles, parce que c'est des gens qui tiennent vraiment sur le flux et ils tiennent des flux monstrueux. Comment, en fait, au-delà des horreurs dans les textes que sort Bolloré, toute la machine Hachette, qui est une machine qui a fait des livres à des durées de vie extrêmement courtes, à nous noyer sous des torpeurs de livres nuls. D'ailleurs, il y a plein de libraires qui nous ont dit qu'ils boycottaient déjà Hachette en grande partie parce que les catalogues de Hachette, c'est juste indigent, terrible, et que tu perds du temps à lire des trucs que de toute façon, tu auras du mal à défendre et du mal à vendre. Et, voilà. Et après, dans la suite de l'année, pour un peu faire un petit déroulé chronologique, il y a eu le bouquin de Débordé Bolloré, on en parlera juste après, qui est sorti, et c'était un peu chouette parce qu'au-delà des marque-pages, au-delà de la tribune, ça a permis de continuer à avoir plein de bouts discussions avec des lecteurs et lectrices. Et pour une fois, ce qui se passe dans le livre, ça intéresse énormément de monde du fait de cette chose de Bolloré. Et là, pour préparer une petite tournée auvergnate du bouquin, ça permet aussi de capter pas mal de gens qui fabriquent des livres et en fait se rendent compte qu'il y a des gens qui sont en train de monter des imprimeries en typo et en réseau, des gens qui cherchent à imprimer. Voilà. Donc en fait, la question, c'est au-delà de la concentration dans le milieu du livre, comment nous, on arrive à se réapproduire, à se réapproprier cet objet bouquin, à en faire circuler, à se dire qu'en fait, si l'extrême droite est au gouvernement et que c'est plus compliqué de faire des bouquins, en fait, comment on peut faire circuler des textes, des affiches. Et je pense que c'est tout ce tissu de discussion qu'on doit avoir ensemble. Et pour finir, ouais, je trouve que depuis un an, parler de victoire, c'est compliqué parce que on va pas dire qu'on a vraiment fait reculer Bolloré et Hachette. Par contre, en termes de victoire symbolique, je trouve qu'il se passe des choses parce qu'en vrai, mine de rien, ça en parle beaucoup. Chez Hachette, ils ont conscience, il y a un peu une pression. Du point de vue des auteurs, on en parlera un peu après. Mais par exemple, là, il y a la veuve de Guy Debord, Alice Beckerau, qui a refusé que Fayard réédite tous les textes de Debord. Enfin, voilà. En fait, il y a un truc de... On arrive à parler avec les gens qui viennent en librairie, avec les gens qui viennent acheter les livres. On arrive à parler de ce qu'on fait et on arrive un peu à tenir ça. Mais en fait, la question pour moi, qu'on arrive à poser ce soir, c'est que comment, en tant que plein de gens qui à la fois lisent des livres, à la fois font des livres, à la fois font circuler des livres, on arrive un peu à pouvoir tenir sur la durée et maintenir cette lutte contre la concentration, contre la mainmise de Bolloré sur des formes qui sont un peu chouettes, un peu désirables et pas juste qu'on s'essouffle. Et du coup, ça serait un peu triste parce qu'à la fin, ça serait Bolloré qui aurait gagné. Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes deux éditeurs, Thomas Bou, des éditions Rue d'Échiquier, et Mathias Echenet, des éditions de La Volte, pour représenter aujourd'hui le collectif qui est à l'origine de cet ouvrage, Débordé Bolloré, qui a été coédité par une centaine d'éditeurs indépendants, avec des contributions d'acteurs du monde du livre très différents, des chercheurs comme Jean-Yves Mollier, grand spécialiste de la question de la concentration, des libraires évidemment, des éditeurs et d'autres encore. L'idée, alors j'en parle très modestement parce que Mathias, comme moi, avons pris une part assez passive à cette aventure qu'on est très heureux d'avoir rejoint, mais on a en fait participé effectivement à la diffusion du livre en souscrivant à un certain nombre d'ouvrages. Mais il y a une vingtaine de personnes qui ont été vraiment très mobilisées sur ce projet. Théo, qui est là-bas et qui fait modestement... profil bas aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, il y a des personnes qui ont été autrement plus impliquées que nous dans cette aventure. Mais si on en est partie prenante, c'est aussi parce que avec Mathia, je pense qu'on a une histoire d'éditeur indépendant qui illustre aussi le souci de lutter contre ce genre de pieuvre. On appelait Hachette une pieuvre dans les années 70. La question de la concentration, évidemment, elle ne date pas d'hier. Jean-Yves Mollier, dans sa brève histoire de la concentration du monde du livre publiée chez Libertalia, le montre très bien. L'extrême droite et les véhicules aussi médiatiques pour que l'extrême droite s'impose, ça n'est pas non plus le seul privilège de Bolloré. Mais évidemment, quand on est éditeur indépendant, on est très concerné par ce sujet. Rue d'Échiquier, c'est une maison d'édition qui a maintenant 17 ans, qui publie essentiellement sur les questions d'écologie, mais qu'on aborde dans un sens large, parce que pour nous, il ne s'agit pas simplement de réchauffement climatique ou d'érosion de la biodiversité, mais aussi d'inégalité femmes-hommes, du pouvoir d'un certain nombre de multinationales. Et le lien avec Bolloré est très clair via, par exemple, l'édition du livre d'Alain Deneau, De quoi Total est-elle la somme, sur les méfaits du groupe Total. Je pense aussi à une enquête d'un journaliste néerlandais, Olivier Van Bemmen, qui s'appelle Heineken en Afrique et qui est aussi une multinationale qui a fait des ravages sur ce continent. Bref, donc il y avait effectivement une certaine logique. Et par ailleurs, Mathias et moi sommes cofondateurs avec d'autres d'une association qui s'appelle l'Association pour l'écologie du livre, qui réfléchit à la manière, justement, interprofessionnellement, de lutter contre certains pouvoirs et contre certaines pratiques. L'écologie du livre, ça n'est pas simplement de l'éco-conception, c'est aussi une réflexion sur la manière de mieux faire circuler les livres, de les rendre plus accessibles à des personnes ou à des milieux plus défavorisés. C'est aussi justement lutter contre les phénomènes de concentration. Donc quand on a été sollicité par cette bande de militants pour faire partie de cette aventure, on en a été très heureux, très fiers. Aujourd'hui, Débordé Bolloré, c'est 10 000 exemplaires vendus, une réimpression de 5 000 exemplaires qui est en cours. Et je pense que son objectif, ça a été effectivement de sensibiliser plus largement aux risques fait peser sur notre métier et sur notre liberté à la fois de penser, de s'exprimer et d'éditer la pression, la force de ce groupe, puisque sa concentration aujourd'hui, elle s'exprime économiquement. C'est aujourd'hui 45% du chiffre d'affaires du monde du livre. C'est un ordre de grandeur. Quatre grands groupes en France aujourd'hui produisent 80% des titres édités chaque année en France. Et c'est 90% du chiffre d'affaires, ces quatre grands groupes, puisque c'est des réseaux de distribution très solides, des monopoles dans les gares et les aéroports avec les relais, par exemple. On est quand même confronté, quand on est éditeur indépendant, à des difficultés structurelles importantes, mais en plus, effectivement, à cette concentration. Prendre part à cette aventure Débordé Bolloré, ça nous semblait avoir beaucoup de sens. Et je passe la parole à Mathias pour compléter ce que j'ai dit. Donc, oui, que ce soit dans l'Association pour l'écologie du livre ou ailleurs, la question d'informer semble être déjà primordiale. Et dans le livre, en effet, Vous avez une histoire, deux histoires de Bolloré. Vous avez même une histoire du groupe Média, d'ailleurs. Vous avez les questions de concentration. Et ça commence par ça, à savoir déjà informer. Et les conclusions auxquelles on arrive dans différents ateliers dans cette association pour l'écologie du livre aussi en parallèle, c'est déjà comment se renseigner. Comment savoir quand on est lecteur, lectrice, comment le livre est fait et par qui, dans des planisphères. Il y a plusieurs cartes qui viennent de sortir qui proposent autre chose que la cartographie habituelle. Mais Hachette ou Editis ont plus de 50 marques. On ne sait pas toujours qui est derrière. Et je crois que ce livre, il sert aussi beaucoup à ça, à alerter et à peut-être faire prendre conscience à tout le monde que bah, ce n'est pas un objet sacré seulement, c'est un objet industriel parfois, même souvent. Et donc d'interroger les médiateurs, médiatrices du livre pour dire, pour demander par qui c'est produit et comment c'est produit, c'est déjà un pas énorme. Il y a quelques propositions. Il y a des témoignages aussi de gens qui travaillent, qui font autrement. Il y a des libraires qui parlent de la question d'Hachette. Moi, j'ai particulièrement aimé un papier de la librairie La Franchie à Lille qui explique comment elle essaye de se passer de... Puis elle avait déjà fait un discours face à tout le milieu de l'édition et comment elle fait pour essayer de se passer d'Hachette. Voilà, donc vous pouvez avoir énormément d'informations. Il y a des propositions, il y a quelques propositions. Et moi, je suis comme vous, certainement, enfin, à moins que vous ayez un programme déjà à proposer. C'est bon, on fait quoi après? Je suis un professionnel de l'édition depuis c'est toute ma vie. Voilà, on peut informer, on peut déconstruire des choses, on peut mener plein d'expériences à plusieurs en parallèle, ça c'est très bien, et dans la joie, enfin pas que pas que se plaindre ou dénoncer, mais bah, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, la question est ouverte, je crois. Merci. Pour le coup, moi, je vais essayer d'être bref, parce que je n'ai pas mille trucs à raconter, je m'assois là. Bon, déjà, je suis hyper content de pouvoir présenter ce que je vais présenter ici, parce que voilà, c'est un peu l'idée d'en faire un peu la promotion, dans un sens où on travaille sur des process contributifs. Alors moi, je m'appelle Kevin, je suis parti d'un groupe d'artistes qui s'appelle RYBN, qui est un collectif de net art, donc d'artistes sur Internet, depuis 1999. Et puis, effectivement, quand on a vu un petit peu là, ces différents mouvements qui ont été évoqués, tout cet historique d'initiative, on s'est dit que c'était important aussi de participer à ces mouvements-là, à la façon que nous, on pouvait faire. Et donc, on a réfléchi, puis on a créé une petite application qui permet en fait, de scanner le code barre en fait, de n'importe quel bouquin. Et à partir de là, donc, on récupère le numéro ISBN, qui est l'identifiant. Et puis on a créé une base de données en fait qui nous permet de savoir qui est l'actionnaire majoritaire. Alors évidemment comme ça, ça paraît, on l'a présenté plusieurs fois, on a réfléchi à la chose. Au début, on avait un système de notation, genre extrême droite ou pas extrême droite, et puis qu'on appelait le fascio score. Et puis on s'est aperçu en fait que la note c'était une super mauvaise idée, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de tout noter, et en fait ça nous a embêtés, et donc on a viré la note, et on s'est concentré vraiment sur tout simplement les structurations capitalistiques, c'est-à-dire que d'un côté il y a tous les indépendants, avec une petite mention spéciale pour les indépendants fachos, parce que ça existe aussi, puis on les a ciblés. Voilà, mais bon, il faut bien qu'ils soient référencés aussi quand ça sort. Après, on a laissé tous les indépendants dans un grand mouvement indépendant parce qu'ils sont nombreux, nombreuses, et on peut pas vraiment tous les référencer parce que c'est énorme. Mais par contre, c'était possible en fait de référencer ces quatre groupes. Enfin, ils sont un peu plus en fait, mais ça dépend. Voilà, comment est-ce qu'on juge la taille. Mais voilà, tous ceux qui opèrent cette concentration, finalement, pouvaient trouver toutes les ramifications, et on a fait une base de données qui permet finalement de tout simplement de sortir ça. Alors, ça existe sur smartphone, sur Android, parce que ça permet de faire de l'open source et puis d'aller rapidement sur les choses. On aimerait bien faire une version pour iPhone parce qu'il y a un besoin là-dessus. Nous, on n'aime pas trop les téléphones, hein, je dois l'avouer. Moi, je suis plutôt Nokia d'habitude, vieux téléphone pourri. J'aime pas les téléphones comme ça parce que ça nous bouffe le cerveau. Mais il y a des trucs pratiques dedans et malgré tout, on s'est dit pourquoi pas l'utiliser de manière tactique. On a fait un site web aussi qui permet, voilà, pour les gens qui ont un iPhone, malgré tout, de se connecter. Alors, c'est un peu plus fastidieux parce qu'il faut rentrer l'ISBN à la main. Les gens n'aiment pas ça, mais ça marche quand même. Donc voilà, l'option est là. Alors le site, c'est wisbn.net. Alors l'application, elle a deux noms. Elle a KISBN en français, puis wisbn en anglais, histoire de faciliter les choses. Mais on trouvait que c'était chouette, KISBN aussi. Et puis il y a plein d'autocollants, vous pouvez les prendre. Et puis voilà. Alors le nom WhoIsBN, donc KISBN, ISBN bien sûr au milieu, puis WhoIs, voilà, donc bon, c'est un jeu de mots d'informaticien politisé. Le WIS, c'est un vieux protocole qui permet de savoir quelle est l'adresse IP d'un serveur, etc. Donc, on a appliqué le même processus au bouquin, en fait, tout simplement, mais voilà, toujours ciblé au niveau capitalistique. Ça, c'est important. Et puis, en fait, ça permet aussi de faire des ateliers, ça permet de faire des choses à plusieurs. Enfin, voilà, la base de données, elle est contributive, on essaie de la maintenir, c'est compliqué, mais voilà, on crée des groupes de travail. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est un process qui peut se... Donc, on va essayer de le répliquer aussi avec des amis en Belgique pour continuer le mouvement et faire en sorte que l'application elle soit aussi transfrontalière, et puis peut-être après avec l'Allemagne, et puis les États-Unis, et puis d'autres. Avec les... Là, s'il y a des gens qui ont envie de participer, c'est ouvert. Nous, on est super motivés. Puis, il y a des copains, copines qui essayent en ce moment de l'utiliser pour des bibliothèques de lieux autogérés. En disant, tiens, pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait pas renseigner sur nos bouquins. Donc, voilà. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, au-delà de cette petite application qui est une contribution très humble en fait, à tout ça, finalement, c'est cette grande dynamique collective, c'est que chacun, chacune, en fait, puisse arriver avec des, voilà, avec des process et puis des idées, et puis qu'on les mette en partage. Et moi, je trouve que c'est ça qui est vachement beau depuis on va dire une grosse année, là. Au-delà de ce paysage médiatique un peu déplorable, c'est finalement toute cette énergie qu'il y a, puis tous ces échanges et le fait que ça discute et que voilà, au fur et à mesure des discussions, il y a d'autres choses qui vont se créer. Enfin, moi, je suis assez, enfin, je suis pas du tout optimiste, mais il y a des choses en ce moment qui donnent un peu de voilà, qui donnent un peu de bonne humeur, quoi. Donc merci en tout cas pour toutes les initiatives. Super le bouquin Débordé Bolloré, les campagnes et tout ça là. Et puis ben, je te passe la parole parce que je crois que c'est toi qui enchaîne. Ouais, merci. Et du coup, moi, je vais parler de la campagne Chers Autoristes qui a été lancée en septembre sur Instagram. Enfin, c'est une page Instagram où il n'y a qu'un seul post, je crois. Deux. Du coup, cette campagne, elle vient à la suite de tout ça, tout ce qui s'est passé, où on s'est dit quand même, il manque quelqu'un dans cette chaîne du livre dont on ne parle pas beaucoup, les auteurs et autrices. Et en fait, si on veut boycotter des livres, il y en a quand même qu'on aimerait bien lire, et on se dit, ah mais merde, c'est chez Grasset, je ne vais pas acheter ça, comment je fais? Est-ce que je le vole dans cette librairie? Est-ce que je vais le lire sur Z librairie? Ou est-ce que je demande à mes auteurs et autrices préférés de ne pas publier chez Bolloré, quoi? C'est plus simple. Ce serait plus simple pour le boycott, franchement. Et du coup, à partir de ça, on s'est dit que ce qui serait bien pour faire une campagne, ce serait que les lecteurs et lectrices y soient impliqués dans ce processus et qu'on puisse envoyer des lettres en tant que fans déçus à nos auteurs et autrices préférés. Et bien sûr, on s'est dit, on ne va pas attaquer tous les auteurs et autrices. Il y en a qui viennent de démarrer, on ne sait pas encore s'ils sont bien ou pas. Et du coup, on a fait une petite liste de plein d'auteurs qui avaient le choix d'aller chez Bolloré ou pas, qui auraient pu partir ailleurs et qui ne l'ont pas fait. Du coup, est-ce que je les cite? On veut des noms. Et des gens qui se présentent comme, quand même en étant un petit peu de gauche et qui disent des trucs de gauche. On se dit, mais pourquoi ils le disent chez Bolloré? C'est bizarre. Donc, ça commence par David Dufresne, qui a écrit un livre sur sa mamie, quand même, qui n'est autre que Françoise Daubonne, qui n'aurait pas été très contente d'être publiée chez Grasset, je pense, aujourd'hui. Voilà, David Dufresne qui nous répond en disant « Ah bah, lisez ma postface dans mon livre. » Et qu'est-ce qu'il dit dans sa postface? Il dit aux équipes de Grasset « Tenez bon. » Ça veut dire, il voit le fascisme arriver et il dit « Tenez bon, quoi. » Enfin, c'est ça qu'il fait et il assume. C'est OK, quoi. C'est un choix. Et il y a des libraires qui lui ont dit à la fin d'une présentation, mais pourquoi vous avez fait ça? Enfin, franchement, vous êtes de gauche, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit, ah oui, mais chez Grasset, on a des avaloirs. C'est de l'argent qui est donné avant aux auteurs. Et j'ai des notes de frais, en fait. Ça coûte pas zéro de publier un livre. Ah, OK. OK, d'œuf. Ensuite, on a Serge Salandon, là, qui publie un livre sur la gauche prolétarienne chez Grasset aussi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Et il dit, moi, mon patron, c'est pas Bolloré, c'est Olivier Nora. Et Olivier Nora, il répond, moi, j'ai jamais forcé quelqu'un à publier chez moi, et je suis pas le patron de mes auteurs. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, les éditions. Ensuite, qui on a? Je fais la liste de tout le monde. Bon, Mona Chollet. Eh oui, on est triste, hein. parce que en fait, elle publie pas direct. Enfin, elle si, elle publie directement chez Grasset, mais en gros, ils sortent une collection, le livre de mes 10 ans avec Titu Lecoq et Tutti Quanti, plein de gens de gauche. Et elle, elle dit ah, le boycott, c'est compliqué dans les maisons d'édition parce qu'ils rachètent, ils revendent. Nous, on est des auteurs, quoi. On n'est pas toujours au courant de tout ce qui se passe. Enfin, c'est compliqué. Et les auteurs n'y sont pour rien. Voilà, on a Rebecca Warrior, qui nous, ça nous a déçus. Hein. C'est son premier livre, mais par contre, c'est une star. Du coup, elle pouvait choisir quand même d'aller ailleurs. Et elle, elle dit, de toute façon, en haut de toutes les pyramides, il y a des salauds. Elle dit pas salauds, mais je dis pas les mêmes mots qu'elle, quoi. Et du coup, bah voilà, enfin, tu vois, elle y va quand même. Voilà, et Pauline Armange de Moi, les hommes, je les déteste, elle dit qu'il y a des livres qui changent le monde grâce à la force marketing des grands groupes. Enfin voilà, toutes ces réponses nous ont très étonnés quand même. On se dit un petit peu, là on parle de monde du livre un peu de manière sérieuse et eux, ils font n'importe quoi. Voilà, du coup on a reçu des centaines de lettres de fans déçus parce qu'on n'est pas tout seul, quoi. Il y a plein d'autres gens qui sont déçus. Voilà, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Oui, et sinon, on a reçu plein aussi de réponses de gens qui nous parlaient de la précarité des auteurs dans le monde du livre et tout ça. Bon, du coup, ces gens-là que je viens de citer, ce n'est pas les plus précaires du monde du livre. Et nous, on veut bien en parler de la précarité des auteurs dans le monde du livre. Enfin, c'est des sujets qui nous intéressent. À Michel Fier, qu'on fait ça depuis assez longtemps. On soutient à fond les maisons indépendantes, même si, bah oui, c'est ceux qui ont le moins d'argent, c'est bizarre. Mais ce n'est pas une question qui s'oppose la précarité des auteurs et de publier chez Bolloré, quoi. C'est, on peut faire ensemble des choses belles aussi, quoi. Voilà. Du coup, depuis un an, il s'est quand même passé énormément de choses dans le bouquin pour lutter contre l'emprise de Bolloré, essayer de faire autre chose de ce qu'on lit, comment se réapproprier tout ça, quoi. Et en vrai, c'est un peu marquant, mais dans tous les pans que tu citais de la campagne pour Bolloré, par exemple, en vrai, sur le cinéma, il n'y a pas eu grand-chose. Mais du coup, c'est chouette, en vrai, que Bolloré soit à la fois un ennemi dans lequel il faut se défaire son système, un système pourri qui est en train de couler tout le monde et qu'on essaye de penser aussi différemment et qu'il s'est passé plein de choses et c'est foisonnant. Et en vrai, c'est trop cool. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? À la fois à court terme, genre là il y a les fêtes qui arrivent, est-ce que c'est une bonne idée de genre refaire des marque-pages, aller se beler des points relais, ou comment on invente d'autres trucs, ou par exemple est-ce qu'on n'irait pas bloquer les entrepôts Hachette à Morpa dans les Yvelines, et aussi sur plus long terme, c'est quoi les perspectives qu'on se donne ensemble en vrai pour faire des chaînes du livre camarades indépendantes dans lesquelles on arrive à faire des systèmes d'édition, de circulation de bouquins qui ne soient pas toxiques, qui ne soient pas mortifères, ou que ce ne soit pas juste l'argent qui contrôle tout. Voilà, du coup, là, c'est le moment où on arrête à nous six de parler. Et en vrai, non, c'est le moment un peu discuté, parce qu'en fait, on est beaucoup de plein d'endroits différents, et c'est chouette de croiser les perspectives, et c'était vraiment un peu l'envie et le besoin de cette soirée-là, quoi. J'avais juste une question par rapport à la dernière intervention. David Dufresne qui dit, qui s'adresse dans sa postface aux équipes en disant « tenez bon ». Est-ce que tu pourrais développer pourquoi, selon toi, ce n'est pas un argument ? Et qu'est-ce que les gens qui travaillent dans les maisons d'édition devraient faire ? Est-ce qu'ils devraient démissionner ? Est-ce que tenir bon, ça n'a pas de sens ? Voilà, je m'interroge. Moi, je trouve que tenir bon, c'est un peu merdique de dire à ces gens-là, bah, y a plein de gens qui sont coincés avec... Enfin, tu vois, ils travaillent là-bas, Bolloré les a rachetés, et c'est merdique, là, ils ont enfin, y a des gens qui se font virer parce qu'ils ont eu des propos où ils disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec comment ça se passait. Enfin, du coup, c'est horrible de travailler là-dedans. Enfin, est-ce qu'ils devraient déserter ? Oui, mais pour aller où ? On ne sait pas trop, tu vois. Mais tenir bon, ça veut vraiment dire qu'il sait que ça arrive, quoi. Il sait que ça va être merdique pour eux. S'il veut continuer à travailler avec eux, il peut aussi aller ailleurs, quoi. Enfin, je sais pas. T'as d'autres choses à répondre ? Non, non, mais très rapidement, moi j'ai l'impression que c'est une manière de nier et d'invisibiliser lui, sa propre responsabilité et ce que lui peut faire, puisque j'ai, enfin, comment dire, le fait d'aller tenir bon, pour moi c'est vraiment un truc de oh regardez, je me suis posé la question et j'y réponds puisque je pose un cadrage du problème qui est le suivant, qui est de dire oh là là, ça va être dur pour les personnes qui bossent là-dedans, mais du coup c'est pas un cadrage qui dit ah moi je me suis posé la question et donc qu'est-ce que je dis de ma propre participation et de oui en fait ce livre va permettre de ramener de l'argent au groupe Bolloré qui ensuite va financer Hanouna, Pascal Pro et si pour déverser des dingueries sur la Palestine, sur les personnes trans, sur etc. quoi. Et pour moi, c'est là où est le problème en fait. C'est le fait qu'il aborde pas du tout son rôle là-dedans. Et oui, je pense qu'il y a plein de choses différentes qui sont possibles. Il a en fait, il a une responsabilité parce que lui, en fait, il a du pouvoir. Il a une position sociale, culturelle qui est pas des moindres quoi. Et donc c'est justement de par cette position là que je, enfin, qui peut pas, ça, en fait c'est oui ok tenez bon, mais c'est pas suffisant en fait. Et en fait à la limite les seules personnes qui doivent tenir bon c'est toutes les personnes qui luttent au sein de Hachette parce qu'en fait il y en a, enfin des gens qui ont vu Vincent Bolloré arriver, de voir leurs conditions de travail se dégrader, que ce soit à la fois dans tous les entrepôts, dans la logistique, aussi toutes les petites mains de l'édition, et qui en vrai n'ont pas un nom qui permet de les protéger, ou en vrai de façon des auteurs qui, quand ton nom est un peu connu, parce qu'en fait là, je crois que dans Chère Autrice, toutes les personnes qui ont été ciblées, c'est des gens qui en fait pourraient aller ailleurs, qui ne vont pas perdre leur lectorat, ou quand ces personnes-là éditeraient ailleurs. Et tout au contraire, c'est souvent des personnes qui ramènent un espèce de vernis gauchiste à Bolloré pour dire... Vous voyez, on n'édite pas que Zemmour, on édite aussi ces gens-là, et on édite un peu tout le monde. Et qu'en fait, enfin, je pense que du coup, le tenir bon, c'est se rapporter aux luttes qui ont lieu des salariés à l'intérieur de tous ces groupes éditoriaux de Hachette, et pas tellement depuis les auteurs, parce que, enfin, souvent, je pense que si ces gens-là disaient et avaient dit, je crois que c'est un but de la campagne, qu'ils iraient ailleurs, il y a plein d'éditeurs, enfin. Il y a plein d'éditeurs là-dessus qui se seraient fait un immense plaisir de récupérer ces plumes qui, en vrai... Je confirme. Mais, alors, on voit que ce n'est pas un sujet évident parce qu'il y a beaucoup de relations interpersonnelles pardon, dans le monde du livre. Et entre un auteur et éditeur, c'est souvent voilà, très intense parce qu'on accompagne quelqu'un qui va transformer un texte en livre. Ça peut prendre un an, deux ans, trois ans. Des relations amicales se nouent souvent. Et effectivement, on peut imaginer que Olivier Nora, qui est un bon éditeur, voilà, satisfait par sa présence auprès d'un certain nombre d'entre eux, leur attente et de fait puisse avoir envie de continuer à travailler avec lui malgré le fait que effectivement aujourd'hui Hachette appartienne à Bolloré. Ça c'est une première chose. Après il y a effectivement le fait que par exemple des auteurs et des autrices, je pense à Virginie Despentes qui est quand même la première à affirmer une position féministe qui est totalement contraire aujourd'hui au véhicule idéologique que représente Bolloré, puisse continuer à publier chez Grasset comme elle le fait en expliquant qu'elle est liée par des contraintes juridiques et qu'elle perdrait finalement son pouvoir ou sa capacité d'agir sur les droits de ses livres, ce qui est faux, puisqu'en fait, aujourd'hui, si elle bascule chez un autre éditeur, ce serait un nouveau contrat et elle pourrait tout à fait évidemment envisager de disposer sur ce nouveau livre ou sur voilà, la même capacité d'agir. Et c'est extrêmement agaçant, effectivement. Je pense que c'est ça qui est difficile. Je donne un autre exemple. Pierre Lemaître, publié par Calman Levy, filiale de Hachette, continue effectivement de publier chez Calman tout en revendiquant un discours de gauche. Donc, en fait, l'appel à la cohérence, il est légitime de la part de nous tous, mais il est compliqué, effectivement, à suivre dans les faits. Donc, j'aimerais poser une question à ce propos. Donc, tu as mentionné des noms qui ont fait le choix de publier chez un éditeur appartenant à la galaxie Bolloré, mais est-ce qu'il y a des auteurs qui ont choisi, qui ont fait le bon choix? Donc, ouais. Donc parce que bah, ce serait, ce en tout cas, nous, on avait, il y avait deux personnes qui parlaient aux médias. C'était une, je me souviens plus de son nom, et l'autre, c'est, bah, c'est Alice Bequerou qui dit que tous les tout ce qu'a publié Guy Debord ne sera pas, enfin, ils n'ont plus le droit de le publier chez Fayard, quoi. Donc ils sont partis, quoi. Est-ce qu'il y a des, auteurs qui ont fait le bon choix, c'est-à-dire renoncer à un éditeur Bah si, elle, comment elle s'appelle? Je sais plus. Comment elle s'appelle? Il y en a plein. Okay. Ouais, y en a plein qui sont partis plus ou moins publiquement. Enfin, il y a Virginie Grimaldi, Alain Badiou, Jacques Attali, super camarade. Mais en fait, il y a aussi plein de gens qui partent parce qu'en fait, au moment où, où Bolloré a pris la main sur Hachette, il y a des gros éditeurs qui sont barrés, mais qui sont barrés un peu en silence parce qu'on ne va pas cracher sur le futur et on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc en fait du coup il y a aussi plein d'auteurs qui sont barrés mais vraiment sans trop le raconter non plus parce que ouais je suis un peu comme le cinéma, enfin ça se trouve Bolloré va racheter autre chose et puis ça se trouve Bolloré va racheter une maison d'édition dans laquelle il y aura des gens qui l'auront dit en fait jamais je publierai chez Bolloré et en fait c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir des prises de parole publiques et que je crois que c'est là qu'où chère autrice on n'a pas réussi à faire trop ce qu'on voulait faire parce qu'en fait on voulait bien qu'il y ait des auteurs qui disent en fait non, je ne veux pas faire ça, et si je pars, je le dis publiquement, et je ne pars pas en soum-soum, et qu'en fait, avoir des paroles publiques, mais on a très peu eu en réalité. Mais justement, le très peu, il faudrait peut-être les mobiliser pour se joindre à la campagne, non ? Ça peut être une idée ? On a essayé, ils ne parlent pas, et en fait, en réalité, il y a vraiment très peu de monde qui... À part vraiment des gens qui maintiennent des trucs indépendants dans lesquels ils l'assument, ils le tiennent, mais plein de gens ne veulent pas parler parce qu'on ne crache pas sur l'avenir, on ne crache pas sur le futur. Enfin, c'est très compliqué, cette espèce de truc d'hypocrisie. Et en fait, j'ai un peu l'impression dans tout ce qu'on a fait sur le truc du livre, on a mis un gros pavé dans la mare que pour plein de gens, en fait, être de gauche et faire des livres, c'est faire des livres avec des textes de gauche. Mais quand on parle de la cuisine interne, de où va l'argent, comment ça marche, ça finance quoi, les gens n'ont pas trop envie d'en parler parce qu'en fait, ça les fait chier et que ça casse des plans marketing et que c'est... voilà. Et en fait, du coup, l'action de la... Un peu, moi, ce que j'aimerais bien, et un truc que... En fait, de partir de d'endroits où on sait qu'on a des paradoxes, on sait qu'on a des contradictions, mais qu'on les assume, et plutôt que de mettre la poussière sous le tapis, comme plein de gens le font, mais en fait comme plein de gens de la culture, parce que si Bolloré tient dans la culture, c'est sur des plein d'endroits de ça. Enfin, en fait, sur les médias, sur le cinéma, enfin, il y a plein d'endroits où en fait ça marche les mêmes logiques. Juste pour faire un très très rapidement un petit parallèle avec le milieu du cinéma, je pense que la séance, je ne sais pas si vous avez vu, mais la séance autour de Zao de Sagazan est assez éclairante sur ce sujet. En gros, à un moment, elle a tweeté, elle a attaqué Hanouna dans un tweet, et suite à ça, tout le système Bolloré lui est tombé dessus, et donc les dates qu'elle pouvait avoir dans des salles de spectacle liées à Bolloré ou les antennes sur lesquelles elle passait, il lui a vraiment tout coupé. Et suite à ça, il y a eu une sorte de tribune de nombreuses personnes faisant partie du monde du spectacle. Et ce qui était vraiment très intéressant à voir, c'est qu'il n'y avait quasiment aucun acteur dans cette tribune-là. Et ce que ça dit, en fait, c'est à quel point il tient les gens et à quel point les gens ne veulent pas se positionner et ne veulent pas prendre de risques, notamment dans le milieu du cinéma, puisqu'il a... Comme je le disais tout à l'heure, il a un rôle et il tient tellement de points de la chaîne de la production que du coup c'est compliqué pour les personnes. Enfin, c'est pas pour les défendre, mais c'est bon, c'est complexe, c'est compliqué. Oui, bonsoir. Je vais rebondir. Vous parlez des milieux de l'édition. Moi, je vous parlais du milieu de la politique. Est-ce que vous avez parlé, je m'adresse aux auteurs du livre, est-ce que vous avez parlé, comment expliquez-vous le fait justement que des figures médiatiques de la France insoumise sont des créations médiatiques de Silius, de Morandini Live et des plateaux de Silius. Donc, je voulais savoir la connivence, justement, les contradictions de ce parti politique de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, où, ce sont des animateurs de contradictions de la chaîne Bolloré, existent médiatiquement grâce à Silius de Bolloré et les mêmes. Grâce à leur mascarade légendaire, qui nous critique ce Bolloré et ses médias. Est-ce que vous avez abordé cela dans vos livres ? Merci. Oui, il va répondre que non, mais juste, j'aimerais bien rappeler que on avait fait un truc en rond, c'est que normalement c'était pas un truc de questions-réponses, et voilà, mais que ça parte en assemblée, que ça discute, ça serait chouette. Mais j'ai, enfin moi j'ai pas de réponse et c'est pas du tout le sujet de notre livre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En revanche, puisqu'on poursuit la discussion, personnellement, effectivement, que certaines personnes, que ce soit chez LFI ou ailleurs, j'aimerais bien. Alors il y en a qui se posent vraiment des questions de chez quel éditeur publier. Mais il y en a encore d'autres qui pourraient faire mieux. C'est vrai qu'il y a cette question d'exemple qui me surprend toujours. Voilà, j'ai pas de nom à donner. Mais sinon, j'ai pas de réponse à votre question. C'est pas notre sujet dans ce livre-là. Juste peut-être ajouter effectivement que par rapport au positionnement des auteurs et à leur responsabilité. Beaucoup sont dans notre situation, enfin, ou dans la situation de beaucoup de gens, c'est-à-dire sous-informés par rapport à la réalité de ces enjeux, du fait aussi de ces rachats successifs, de ces passages capitalistiques qui rendent très complexe la compréhension de la galaxie éditoriale. Et voilà, je ne donnerai pas de nom, mais nous, on va avoir la chance de publier l'année prochaine une autrice qui a publié dans une filiale d'Hachette et qui, je la crois sincèrement, l'ignorer en fait, parce que c'est une chercheuse qui travaille dans son domaine et qui n'avait pas obligatoirement la conscience très aiguisée de ce que signifiait de publier chez tel éditeur. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une nécessité d'informer, de sensibiliser les auteurs et les auteuristes, de faire en sorte que chacun ait les clés. Mais voilà, ça passe par la communication qu'on fait aujourd'hui, par les débats que l'on peut mener avec Débordé Bolloré, réussir à faire passer ce message qu'il y a des choix à faire et que, étant finalement très en amont dans la chaîne du livre, les auteurs et les autrices doivent prendre leur part, évidemment, coopérer avec des éditeurs indépendants, et nous sommes disponibles. Et je ne sais pas si vous avez vu désolée, hein, mais c'est vraiment juste un fun fact. L'humoriste Swann Périssé a eu la même situation, c'est-à-dire qu'elle a programmé plein de spectacles dans une salle qui appartenait à Bolloré. Elle s'en est rendue compte après avoir donné un énorme chèque à Bolloré. Et du coup, elle a fait une chronique assez drôle là-dessus que je vous recommande. Mais ouais, elle n'était pas au courant. Bonsoir, moi je suis libraire, employée de librairie, et un des petits actes militants qu'on peut faire, du coup c'est assez chouette, c'est d'avoir fait marque-page anti-Bolloré qu'on met à l'intérieur des bouquins en mode, écoutez, il y a écrit fuck dessus, mais voilà, attention, je vous mets un marque-page militant dans le bouquin, et donc les petits vieux et les petites vieilles sont, ah d'accord, merci, genre voilà, c'est assez sympa. Et donc un truc qui serait super chouette, c'est d'avoir des marque-pages chers auteuristes à mettre dans les bouquins de ceux qui ont refusé de partir du groupe Hachette. Ça serait sympa. Vous n'avez certainement pas des moyens gigantesques, mais ce serait un truc cool qui pourrait sûrement alimenter le débat aussi en librairie de façon safe. Voilà. T'as posé une question, il y a d'autres gens qui posent des questions, s'il te plaît. Chacun son tour. Oui, c'est contradictoire. Tranquille. Bonsoir. Moi, c'est pas vraiment une question. Juste, avec Antoine, on est du collectif qui s'appelle En chair et en os pour une traduction humaine. Et donc, on est un collectif de traductoristes qui s'est formé en réponse à l'invasion de l'IA. Notamment dans l'édition. Donc c'est pas tout à fait le même public, mais en même temps, du coup, on a un peu l'habitude de ce discours où on nous présente les choses comme une espèce de vague surpuissante à laquelle nul ne pourra résister, un peu comme Bolloré. Et on a constaté aussi que c'était possible de se fédérer contre ça. Et on sait aussi, on connaît très bien donc, la précarité du monde du livre, on sait que ça peut être un frein à l'action collective, ça peut aussi la galvaniser. Je pense qu'un des leviers, c'est aussi de jouer contre ça. Il y a une proposition de loi en ce moment qui s'appelle la proposition de loi pour la continuité de revenus des artistes auteuristes, qui est en fait une espèce d'équivalence du statut d'intermittent du spectacle pour les auteuristes, les traductrices, ce qui permettrait par exemple à Maria Pourchet ou à voilà, d'autres auteuristes que tu as cités de ne pas répondre que bah, on n'a pas le choix en fait, parce qu'effectivement on l'a. Voilà. Ouais, moi très très rapidement, c'est juste une remarque. Je trouvais ça, enfin j'ai entendu tout à l'heure le truc de bloquer l'entrepôt de Hachette. Je pense que ce serait un truc super intéressant dans le monde du livre aussi, vu que c'est quand même dans, disons, dans l'image, dans le monde, les livres, c'est quand même des mots, et ce serait intéressant d'apporter une dimension très concrète, et ça permettrait aussi de mettre un nouveau coup de projecteur et d'apporter une nouvelle dimension qui n'a pas encore, en tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler dans le monde du livre. Et donc, je pense que, en tout cas, je sais pas moi, c'est une idée qui me parle, et j'ai l'impression que ce serait intéressant de s'y pencher de manière plus sérieusement, plus sérieuse, plus concrète. J'en profite juste en passant, la question de la distribution des entrepôts et tout, c'est un truc qui a évoqué depuis pas mal de temps, et notamment à Michel Fier qui a eu des discussions sur le monde du livre il y a déjà pour les 10 ans, la librairie. Et on a essayé de contacter des gens et ça n'a pas abouti. Et j'avoue que moi, par exemple, personnellement, ça me tient vraiment à cœur que quand on parle de chaîne du livre, on aille vraiment d'un bout à l'autre, et qu'effectivement, c'est un peu un raté, on va dire aussi en passant, mais que, ouais, effectivement, ça serait vraiment chouette d'arriver à vraiment avoir toute la chaîne du livre quand on discute, et voilà, là, ça a été essayé, et voilà, de ce point de vue-là, c'est des choses qui peuvent se faire quoi, à l'avenir, et qui sont évidemment assez importantes, et que par ailleurs, enfin, de récits de gens au moment où il y a des gens dans des bureaux de Hachette qui se font bouger de bureaux pour aller dans un autre truc plus loin, open space, tout ça, bah, les seuls qui se sont vraiment bougés pour les soutenir, c'est les gens des entrepôts. C'est les syndicalistes de la logistique. C'était un peu, pour plein de raisons, hein, mais c'était un peu les seuls qui, en fait, assez logiquement et assez automatiquement, ont répondu présent face à des dégradations de conditions de travail de leurs collègues, quoi. Parce que, enfin, voilà. J'ai plus exactement en tête, mais oui, non, c'est ce moment de changement de direction chez Atier. Ah là, pour préparer là, voilà. Ouais, du coup, moi j'ai l'impression que la question que ça me pose, moi disons, je suis éditeur, mais en fait je travaille aussi dans la diffusion, et du coup je suis en contact avec les libraires, et du coup je suis aussi éditeur. Du coup en fait la question que je me pose, c'est en fait, effectivement il y a la question vraiment d'action directe qui serait, je sais pas, brûler les entrepôts, achètent, je sais pas quoi, mais en fait il y a la question, en fait j'ai l'impression que le nerf du truc, c'est un peu ce qui se passe en librairie, enfin j'ai le sentiment, c'est comment en fait on accompagne le libraire pour que, à la place des livres de la galaxie, disons, Bolloré, ou des grosses machines capitalistes du livre, on l'accompagne pour en fait pouvoir proposer des titres qui fonctionneraient et qui pourraient plaire au public, pour en fait qu'il y ait une sorte de circulaire. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est qu'en fait, si on pense qu'il y a un truc réformiste à injecter à l'intérieur de la dynamique politique, la réflexion qu'on peut avoir, c'est comment on peut imaginer ce travail vraiment concret qui serait entre l'éditeur, auteur, éditeur, diffuseur, libraire, pour vraiment qu'il y ait un accompagnement de changement de quelque chose. Parce que j'ai l'impression que souvent, moi, j'ai le sentiment que les libraires, même indépendants, même qui ont envie, disent « Ah, c'est trop dur, on voudrait proposer des choses différentes, mais on ne sait pas comment faire, et c'est beaucoup de travail. » Et c'est vrai que le travail de libraire, c'est quand même super fatigant, c'est super exigeant, c'est fatigant, et puis c'est un métier de commerce, des petites marges, enfin, c'est des métiers assez précaires, en fait. Industrie précaire. Du coup, c'est comment en fait on pourrait imaginer quand même des collaborations vraiment plus étroites entre les différentes strates en fait du métier du livre, pour que ça puisse permettre c'est pas qu'il y ait quelque chose qui puisse se produire de manière moins individualiste à chaque endroit, qui serait l'éditeur indépendant, super vénère, qui arrive à faire son truc, le diffuseur précaire, petit, un peu gauchiste, qui racle les fonds de tiroir pour avoir 1% de plus pour pouvoir payer ses salariés au SMIC, et comment le libraire indépendant essaye de voir comment il fait un peu le... Il ménage, disons, vendre les best-sellers un peu nuls pour essayer de laisser un peu de place pour les livres... de l'édition indépendante et peut-être gauchiste, quoi. Et c'est comment, en fait, je sais pas, toute la chaîne, en fait, elle se coordonnerait à un endroit pour qu'en fait il y ait des accompagnements qui fassent que ce soit moins des endroits d'une autonomie qui deviennent plutôt de l'isolement, quoi. Non, si. Moi, je travaille en bibliothèque et je vois pas trop quoi faire en bibliothèque, mais à part mettre des marque-pages dans les livres réservés, ce que j'ai déjà fait. Mais j'ai lu récemment un autre livre sur Bolloré, Le Péril Bolloré, et ce qui m'avait vraiment déprimée, enfin, le livre est assez déprimant, mais le truc qui m'a le plus déprimée, c'était qu'à un moment, l'autrice explique que, en fait, même les éditeurs qui sont pas dans la galaxie Bolloré, vont quand même faire des choix éditoriaux à cause de Bolloré, qui détient toute la distribution ensuite, et aussi les médias qui vont faire la promotion ou pas, et qui vont pouvoir, en effet, par exemple, on l'a vu avec les... Là, ce que tu as cité, la chanteuse, mais ça peut être aussi avec un auteur, et qu'il soit complètement détruit, démoli sur les plateaux télé et radio, etc. Et donc, elle cite notamment un livre qui était censé paraître sur Bolloré. Elle en avait eu vent par une journaliste ou un journaliste de Télérama et un autre et une autre du Canard Enchaîné. Et c'était en cours. J'ai plus le nom de l'éditeur, mais ce n'était pas un éditeur, la Galaxie Bolloré. Et puis, donc les mails, etc. Le truc est bien parti. Et puis, tout d'un coup, plus silence radio, plus rien. Et en fait, le truc a été bloqué plus haut dans cette maison d'édition, parce que ils savaient que derrière ça passerait pas, voilà. Et ce point-là, pour dire, je sais pas dans quelle mesure on peut vraiment agir là sur les maisons d'édition qui dépendent aussi du réseau de distribution et de, par exemple le livre de Zucman, j'ai découvert que en voyant une vidéo là que il est pas dans plein de magasins relais, il est pas, on le trouve pas. Ma suggestion, c'était, est-ce que, je suis désolée, je suis arrivée en retard, donc peut-être ça a été abordé, mais est-ce qu'un levier plus important, ce serait pas sur les manuels scolaires, et du coup, de parce que là, les parents, je pense qu'ils ont un poids peut-être plus, voilà, d'alerter sur qu'est-ce qu'on va mettre dans les manuels et dans les cours, et du coup, dans les têtes des enfants et des adolescents. Et que peut-être que les parents seraient plus à même de se mobiliser. Je me permets une toute petite incise sur la question des contenus des manuels scolaires. En tout cas, l'initiative qui s'est attelée à dénoncer la mainmise de Bolloré sur les manuels scolaires a commencé au début justement avec cette analyse-là de dire qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ces manuels scolaires ou qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le futur. Et plutôt, ça n'a pas... Enfin, il y a eu beaucoup de retours un peu négatifs dans le sens de dire que... Mais en fait, c'est pas le cas pour l'instant. Du coup, c'est le problème, il est pas là. Et même si ça pourrait l'être, on voit bien avec Canal+, et là, maintenant, la mise en série du livre de Zemmour. Mais en tout cas, c'est pour ça que là, maintenant, ils vont réécrire un texte plutôt en s'orientant sur le fait que ça génère une manne financière énorme pour le groupe Bolloré. Et plutôt avec ce point d'analyse là. Mais effectivement, c'est en tout cas, si jamais vous voulez venir à la réunion qui va avoir lieu dans le 93, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous rapprocher des syndicats dans l'éducation, si jamais vous habitez pas dans le 93, si en tout cas ça vous semble être un axe d'attaque intéressant, je pense que les personnes qui sont dans cette dynamique-là... justement, souhaiterait faire du lien avec des personnes dans le milieu de l'édition. Oui, Ouais, du coup, si je mettais ça à la bourre, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait une réunion vendredi soir à la Bourse du Travail de Paris, à la salle ENAF, avec les gens de Sud-Éduc 93 qui devaient être là ce soir, mais qui n'ont pas pu venir malheureusement. Mais ça se bouge là-dessus et c'est trop cool. Voilà. Ouais. Et moi, je parle depuis le statut de diffuseur-distributeur. En fait, nous, on s'est occupé de la diffusion-distribution des Bordes et Bolloré. Et du coup, bah, c'était super. Hein. Et juste pour réaffirmer le fait qu'on soutient toute l'initiative et qu'effectivement on est là. Nous, on est le 10e plus gros distributeur de France, mais on est minuscule. Et on est complètement précaire. Et c'est pour vous dire à quel point ils sont massifs en face. Mais on a quand même un outil qui peut être utile. Et du coup, voilà, c'était pour réaffirmer le fait qu'on pouvait être là pour mettre des choses en place. Mais ce serait bien de nous solliciter, discuter avec nous aussi et nous mettre un peu dans la boucle pour utiliser notre outil à des fins un peu intéressantes et que ça réponde et à la fois aux besoins des libraires et peut-être des bibliothécaires et que ça rentre aussi dans nos champs de compétences parce que voilà, il faut forger un peu de camaraderie tous ensemble, quoi. Voilà. Mais en vrai, t'as des idées en tête pour ça ? Enfin, juste... Bonsoir. Moi, je me place aussi du côté libraire, donc, et je voudrais répondre un petit peu, en effet, aux interrogations sur, entre guillemets, l'éducation, en tout cas, comment faire passer aussi un petit peu ces messages-là au sein de notre clientèle, et en tout cas, de lecteurs et lectrices, et élargir un petit peu le débat. Je pense qu'en effet, la première idée d'avoir des marque-pages, en tout cas, des choses visuelles à glisser dans les livres, ou en tout cas, même tout simplement à distribuer aux personnes, c'est déjà une très très bonne base, sachant que là on n'est pas sans ressources, on arrive quand même à une période assez charnière qui est celle de Noël, où on peut, en tout cas dans mon équipe, c'est ce que l'on fait depuis quelques temps maintenant, où l'on peut en fait se permettre beaucoup plus de choses et donc abandonner un petit peu les grands prix, les grosses ventes et les gros éditeurs, et aussi tout simplement tabler sur le fait que l'on arrivera à une période de rupture de tous ces énormes prix et de ces énormes ventes, et en fait mettre en avant en effet des diffuseurs, des petits éditeurs beaucoup moins entre guillemets mis sur le devant de la scène de la rentrée malheureusement de septembre au mois de novembre où les sélections de prix sont annoncées. Et c'est le moment en fait, grâce à ces ouvrages que l'on ne voit peu ou pas assez, de pouvoir aussi engager entre guillemets un dialogue, même si on sait que les gens à cette période-là sont quand même entre guillemets électrisés par la fin d'année, mais ça reste une période quand même assez charnière où les personnes s'ouvrent à beaucoup plus de choses, où on ne voit pas forcément toujours les mêmes personnes et la même clientèle de quartier. On ouvre en fait à un champ beaucoup plus large. Et je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'on peut faire entre guillemets le choix. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas envie de commander certains ouvrages, parce que on rebondit sur Bolloré, évidemment, sur les publications, mais je suis entièrement d'accord sur le fait que d'autres éditeurs qui ne sont pas dans le groupe Hachette publient des choses complètement infâmes. Je pense à l'Observatoire, je pense à Robert Laffont. En sciences humaines, c'est une cata. Je veux dire, il n'y a pas forcément que le groupe Hachette, mais c'est une cata, sans déconner, vraiment. Je pense qu'on peut arrêter de se voiler la face. Ça ne concerne pas qu'un grand groupe, ça concerne plein d'autres éditeurs, et l'Observatoire, ça ne fait pas 2 ans que ça dure, ça fait longtemps que ça dure. Et je pense qu'il y a aussi tout simplement, grâce aussi à WhoISBN, qui est quand même hyper intéressant, de voir où l'argent va, mais de voir aussi quelle est la DA, la ligne éditoriale de certaines maisons d'édition. Et ça, je pense que c'est, entre guillemets, à une période aussi peut-être charnière que Noël. Alors on va dire oui, mais c'est la période où on vend le plus de grands prix. Je ne suis pas bien certaine. Pour moi, c'est la période où on vend de tout, où les gens sont ouverts, où les gens, entre guillemets, entre grands guillemets, le temps. Et je pense que c'est le moment, en effet, de faire marcher d'autres distributions, d'autres diffusions, d'autres petites maisons. Et voilà. Et je vais arrêter parce que je parle trop. Et les gens sont désespérés. Ils achètent n'importe quoi. Il ne faut pas oublier ça. Enfin, quand ils ne savent pas, ils ne savent pas, quoi. On peut leur suggérer n'importe quoi. C'est bon, là ? Bonsoir. Moi, j'avais une question, enfin une sorte de suggestion. Moi, je suis pas éditrice, enfin je suis artiste autrice, mais ça a pas, voilà, ça, c'est pas important de situer qui je suis, on s'en fiche. Mais c'était pour revenir aussi à ce qui avait été dit au tout début de la conversation par rapport au début de la campagne des Armand Bolloré, qui était née plus ou moins autour des législatives, et que là, il y a un autre calendrier électoral qui est celui des municipales et qui se joue. Du coup au mois de mars, donc après Noël, mais qui est quand même un terreau de conversation politique plutôt sur la localité, quoi, enfin vraiment de manière très directe. Et du coup, c'est plus une sorte de suggestion, pardon, par rapport à ce que tu disais en tant que diffuseur et puis ce qui avait été dit par rapport aux relations entre les libraires et le lectorat, enfin en tout cas de créer aussi des moments comme celui-ci où la parole peut circuler et essayer de faire un peu de l'éducation populaire sur le moment, mais aussi avec des leviers politiques qui sont très clairs. Enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe par rapport aux librairies, mais j'imagine que les fonds de commerce sont un peu dépendants des mairies. Je ne sais pas quel type de conversations peuvent émerger par rapport aux mairies dans lesquelles les librairies sont implantées, mais en tout cas en région parisienne ou en Auvergne, j'imagine que c'est pas du tout le même fonctionnement. Enfin, en tout cas, ça peut. Je pense que entre le calendrier des fêtes et les mois qui suivent, en tout cas, il y a peut-être des échéances de discussions en librairie qui peuvent se jouer, justement, faire entendre la parole de diffuseurs, diffuseuses, d'éditeuristes. Enfin voilà, c'est plus pour rajouter juste cet élément-là de ce calendrier-là qui arrive juste après les fêtes et voilà, et qui est important. Moi, je voudrais faire écho à du coup la prise de parole qui a eu lieu juste avant sur la question du fait qu'il y a des choses assez dégueu qui se publient dans d'autres maisons que celles du groupe, qui sont en ce moment détenues par Bolloré, quoi. Pour dire aussi que ça existe, on en a parlé tout à l'heure, mais en fait, les dynamiques de rachat, quand les auteurs et autrices répondent, mais en fait, on est perdu, on ne sait pas, parce qu'on appartient pendant 2 ans à telle personne et pendant 2 autres années à telle autre et tout, et ça n'arrête pas de fluctuer, du coup, on ne sait plus trop où se foutre, quoi. Ça me semble en fait être une question importante. Je vois l'enjeu stratégique de pointer Bolloré parce qu'effectivement il a un poids immense et que c'est en termes de visibilisation et même de communication, ça fonctionne d'avoir une personne là qui est très représentative d'un truc plus large de fascisation. Mais dans le milieu du livre comme dans d'autres milieux, les dynamiques capitalistes et fascistes ne sont pas l'apanage de Bolloré. Et je me demande, moi, s'il n'y a pas un enjeu à... Enfin bon, la question a déjà été posée, hein, mais je la répète là ce soir, de ne pas croire que le mal, c'est Bolloré, c'est ce qu'incarne Bolloré, ce qu'il fait, c'est sûr, mais il y a d'autres choses qui se passent ailleurs, et il y a d'autres maisons qui publient des personnes qui travaillent sur des questions qui servent les idées de gauche, et qui pourtant ont appartenu à Bolloré juste avant que Bolloré devienne... ce qu'il est médiatiquement, enfin voilà, et il y a des labels qui se revendiquent de gauche, super radicaux, qui en fait sont détenus par des grands groupes et qui font les thunes de gros groupes capitalistes. Et je pense que c'est une question qui doit être adossée à celle de la campagne contre Bolloré, quoi. Le simple fait qu'il y a en fait plein de livres qui véhiculent des idées de gauche qui servent les capitaux capitalistes et pas loin d'être fascistes, quoi. Voilà. Mais j'ai absolument aucune proposition pour aller contre ça. Non, j'ai juste une mini proposition de réponse à ça. Enfin, c'est pas une très grande idée, hein, mais c'est une proposition. C'est que le groupe Enquête associé à la campagne Bolloré propose des textes d'analyse pour justement essayer de compléter. Comment dire, l'image un peu simple des fois qu'on peut retirer de la campagne et qui certes a un effet d'essayer de désigner une cible et de donner des prises, mais qui à de nombreux égards a aussi ses limites. Et donc ces textes viennent essayer d'approfondir et de complexifier la question. Et du coup, je me disais que ça pourrait être super intéressant d'avoir un texte qui vient apporter cette analyse-là. Et je ne sais pas si des personnes seraient motivées. Mais... J'en profite d'avoir le micro dans la main, mais micro-point avec cet argument que j'entends beaucoup et que je ne sais pas trop quoi en penser depuis un an et que beaucoup de librairies nous ont rétorqué le côté de tous les groupes éditoriaux sont pourris, c'est vrai. Mais en fait, pour moi, Bolloré, c'est un prétexte de mettre un pied dans la porte pour la défoncer et pas un truc incapacitant. De toute façon, Gallimard, Actes Sud, MDS, ils sont tous éclatés et qu'en vrai, si des gens se barrent de chez Hachette pour aller chez MDS ou pour aller chez Editis, bah, C'est pareil. En fait, la question, c'est juste mettre un gros pied dans la porte pour savoir ce qu'on en fait et que oui, ils sont tous pourris. Peut-être que Bolloré est beaucoup plus véhément, beaucoup plus proactif et beaucoup plus clair dans ses intentions que ne sont les autres. Mais en vrai, dans le top 5 du groupe éditorial, oui, ils sont tous pétés, quoi. Et, mais pour autant, enfin, vraiment, cet argument, parce que je sais que c'est pas comment tu le fais, mais beaucoup de gens le mobilisent pour dire ouais, de toute façon, ils sont tous pourris, attention. Enfin, voilà. Un truc de comment on s'en saisit et que Bolloré est un prétexte pour trouver des modes d'action et trouver des manières de faire ensemble et comment on crée de la puissance depuis cet endroit-là et que oui, il va falloir défoncer Antoine Gallimard, Vincent Montagne et tous les autres. Mais partons de Bolloré d'abord et voyons comment, quelle machine ça enclenche, quoi. Et je voulais juste rajouter très brièvement que c'est aussi des questions qu'on se pose à l'échelle de la campagne Bolloré, c'est-à-dire comment est-ce que, enfin nous on se dit que à long terme on veut pas que la campagne Bolloré ce soit toujours la campagne Bolloré. On a envie justement que ça évolue, que comme tu le disais c'est le pied dans la porte, mais qui permet d'attraper par un bout, qui permet du coup de sensibiliser des personnes qui n'avaient pas cette lecture là, mais le but c'est de l'étendre. Par exemple on a commencé un peu, même si c'est pas une initiative qui vient de la campagne, mais à faire du lien avec la section carrément anti-stérin pour montrer qu'en fait bah non, enfin c'est pas juste Bolloré, il y a plein d'autres milliardaires qui sont problématiques, etc. Mais en tout cas c'était juste pour partager cette analyse là qu'on a au sein de la campagne Bolloré, c'est de dire en fait Bolloré c'est un moyen, c'est pas une fin, c'est vraiment un moyen. Oui, ce sont des enjeux effectivement complexes. Et il faut signaler que Editis, donc, qui appartient aujourd'hui à Kretinsky, qui a fait fortune dans l'exploitation de mines de charbon, en particulier en République tchèque, Média Participation, le groupe Média, qui appartient en partie au groupe Michelin. Voilà, je signale aussi que Madrigal appartient en partie à LVMH aujourd'hui. Enfin, oui, quand même, mais enfin, un des actionnaires de Madrigal et LVMH. Bonsoir. De tout ce que j'entends tout à l'heure, enfin, j'ai l'impression que je suis là. moi, je suis graphiste. J'entendais sur les marque-pages, je trouvais ça intéressant, mais j'entendais plusieurs trucs qui m'ont fait penser à quelque chose, en disant bah déjà pourquoi on met pas en pardon, ah oui, pourquoi on met pas en valeur, par exemple. Tout à l'heure, une dame disait pourquoi on ne met pas en valeur les auteurs qui ont accepté de quitter les maisons rachetées par Bolloré. Dans la même idée, c'est-à-dire en partant de trucs, parce que les marque-pages, ils montrent les livres qu'il ne faut pas acheter. Mais effectivement, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour montrer aussi où aller vers les autres solutions? Donc pourquoi pas faire... c'est pas mettre aussi en collaboration avec peut-être, tu parlais de l'impression Rizzo par exemple, des jeunes illustrateurs, graphistes qui pourraient se mobiliser pour vouloir faire des affiches, pour faire des visuels un peu forts avec peut-être des phrases aussi qui peuvent effectivement, le texte que tu proposais aussi tout à l'heure de faire d'analyse, enfin il pourrait y avoir des phrases, des choses qui expliquent un peu les enjeux de qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans une librairie, quand on achète un livre d'un petit éditeur, parce que c'est peut-être difficile de les mettre en avant, les petits éditeurs tous, parce qu'il y en a plein de différents, et enfin, il y en a beaucoup. Et réussir à peut-être comme les médicaments génériques, comment on propose à quelqu'un qui cherche un livre sur un sujet, bah, au lieu de lui proposer un truc sur un grand groupe, on va lui proposer un petit éditeur. Donc déjà que les libraires puissent être eux-mêmes un peu en alerte sur ce truc. Enfin, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent à ça. Faire des visuels, quoi, pour que, par exemple, quand on rentre dans les librairies, bah, on ait tout de suite des appels visuels, quoi, quelque chose qui nous pousse vers ailleurs, qui nous attire vers quelque chose d'autre, quoi, quelque chose de positif. Voilà. Oui, bonsoir tout le monde. Nous, on est une petite dizaine de bibliothécaires de Est Ensemble, donc, c'est-à-dire Montreuil, mais aussi les villes alentours. Et donc, les bibliothèques, c'est un endroit un peu particulier du monde du livre, puisqu'on ne vend pas des livres. Donc, d'une certaine manière, on est hors du circuit commercial. mais dans, bah en fait, dans chaque bibliothèque, il y a aussi des responsables qui achètent les livres, et donc il y a toute une piste de réflexion à faire autour du boycott, et je pense qu'on a plus de marge de manœuvre que ce qu'on pense dans chaque bibliothèque. Et en tout cas, ça pourrait être... cette réunion pourrait être l'occasion de créer des groupes de travail pour réfléchir ensemble à comment fédérer nos forces entre les bibliothèques, ici on est deux Est Ensemble, mais aussi les bibliothèques universitaires. Enfin, je sais qu'il y a, je ne sais plus qui est en BU, je ne sais plus où. Et aussi la camarade devant qui a parlé tout à l'heure. Et après, là, ça reste très Île-de-France, mais ça pourrait être aussi un moyen de voir à l'échelle nationale comment les bibliothécaires... de monter des campagnes au niveau bibliothèque, mais en national aussi. Et je pense qu'il y a... Enfin, vu que c'est le premier équipement culturel en France, il y a quand même aussi une grosse marge d'action via les bibliothèques, notamment parce qu'il y a ce gros... pôle dans les projets d'établissement qui est l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Et on est pile dans la thématique, quoi. Donc chaque bibliothèque dans chaque village pourrait être un endroit d'action contre Bolloré, potentiellement. Voilà. C'est juste pour reprendre sur ce que tu disais, Madame Graphiste. Il y a un site états-unien qui fait un peu exactement ça. Ça s'appelle amplifier.org. Et c'est justement c'est des artistes qui donnent accès à des affiches pour les luttes les plus importantes de l'époque. Et c'est vrai qu'un truc francophone sur le sujet, ce serait vraiment amplifier, comme amplifier.org. Et bon, enfin voilà, il y a plein de luttes antiracistes, anti-homophobes. Enfin, et c'est très très très beau. Ça reprend plein de mouvements graphiques. Genre, bref. Voilà, c'est un très bon exemple de ce que on pourrait faire, parce que c'est disponible au téléchargement en A3. Enfin voilà, c'est gratos, quoi. Voilà. Pardon. C'est quoi ça? Ah pardon, mes apologies. Mais enfin, je pense. Eh ben, je vais aller regarder. Merci. Bonsoir. Donc, je travaille un peu dans l'édition et un peu en librairie. Et la question que j'arrive pas à résoudre et que je voudrais peut-être qu'on en parle, c'est est-ce qu'il s'agit quand on est petit éditeur ou petit libraire, enfin, enfin, tout ce qu'on veut de petit par rapport au gros, est-ce qu'il s'agit d'intégrer le système et de se dire laissez-nous un peu de place au soleil? Ou vu ce qui va nous tomber dessus bientôt, si les vœux de Bolloré arrivent et d'autres, est-ce qu'il ne s'agit pas de réfléchir à éditer, à vendre des livres en clandestinité? C'est-à-dire comment on va faire si une extrême droite ou une droite, enfin, ou quelque chose se radicalise, comment on va faire pour continuer? Parce que pour dire des choses que moi j'ai toujours du mal à dire qu'on est de gauche ou un truc comme ça, mais en tout cas c'est plus très à la mode d'être de gauche, donc à un moment il faut quand même s'en rendre compte. Donc comment on va faire après? Alors est-ce qu'on va continuer à collaborer? Et ça c'est très difficile de ne pas collaborer pour bouffer. Ou est-ce qu'on va réfléchir à faire de l'édition autrement si ça nous tombe dessus? Enfin, moi, c'est une question que j'arrive pas à résoudre, et peut-être que collectivement, on peut le faire. J'en profite. Voilà. En fait, ce que tu me dis, moi, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, parce que, enfin, c'est vrai que dit comme ça, ça peut paraître un peu catastrophique, un peu lointain. Enfin, la question de la quantité, la collaboration, mais en vrai, c'est des questions qui sont temporellement pas si lointaines. Enfin, toute la génération d'éditeurs des années 70, c'est une génération qui a commencé à éditer pendant la guerre, qui après a édité pendant la guerre d'Algérie et les luttes de libération nationale, qui s'est tapé des peines de prison, des perquisitions, des bombes de l'OS, des librairies qui se faisaient péter. Enfin, en fait, c'est des temps qui ne sont pas si lointains. Et il y a toute une génération de gens qui faisaient des bouquins, qui avaient conscience que en fait, faire des livres, c'était existentiellement un peu conséquent et que ce n'était pas juste de la pure marchandise et que les idées, elles valaient la peine et les voix minoritaires valaient la peine d'être sorties. Mais en fait, la grosse, grosse, grosse différence, je trouve, avec cette époque-là, c'est les moyens de production, les moyens d'impression. Enfin, à l'époque, et en vrai, même tous les camarades autonomes d'ultra-gauche et anarchistes qui racontaient qu'il y avait des imprimeries dans toutes les caves de Paris, ou presque, il y a encore 20-30 ans. Maintenant, on n'a plus trop les machines pour imprimer des choses, et je pense que c'est là où ça change pas mal de trucs. Et que même, en fait, la question de comment, si on avait envie de sortir des brochures, envie de sortir des tracts, envie de sortir des récits qui nous tiennent à cœur, de manière un peu courte, sans que ça passe par des grosses imprimeries, sans que ça soit imprimé de manière éthique en Bulgarie ou je sais pas où dans l'Est de l'Europe. Enfin voilà, en fait, il y a vraiment un vrai enjeu pour le moment à récupérer plein de machines qui existent encore, mais il n'y a plus personne pour les faire tourner. Enfin, en ce moment, là, j'ai un... C'est très cool, mais il y a un pote qui est typographe qui me rend compte qu'en fait, la plupart des grosses imprimeries en France sont en train de faire faillite et qu'on peut racheter plein de machines pour que dalle, parce que, et de toute façon, personne ne sait les faire tourner en ce moment parce que c'est des formations qui sont perdues et que maintenant c'est des ferrailleurs qui les rachètent pour les vendre pour pièces. Donc voilà. En fait, il y a tout ça en truc qui, pour moi, qui est important, c'est l'action de la matérialité, de comment on fait des livres et l'action de l'impression. Et je plus sois à ce que tu dis énormément, mais il faut qu'on ait des machines, quoi. Bonsoir. Moi, je voulais poser une question aussi parce que bon, je suis concernée, mais je trouve que c'est une question qui est plus large, qui ne se résume pas juste à ma situation. Mais je me demandais qu'est-ce qu'on pouvait faire des nouveaux et nouvelles entrantes sur le, enfin, dans les métiers du livre, c'est-à-dire bah, en termes de recrutement, comment on peut embarquer les gens en fait, pour les orienter vers l'édition indépendante, sachant que l'édition indépendante, elle a déjà du mal à vivre... en l'état, j'ai l'impression. En tout cas, enfin voilà, il y a quand même la question de la précarité et comment on arrive à mobiliser finalement les plus jeunes et ceux qui démarrent avec ces questions-là. Donc c'est une question ouverte que je vous partage. Il n'y a pas forcément de réponse là tout de suite. Mais... Bonjour. Je me permets de répondre en tant qu'étudiante en métier du livre et de l'édition. Enfin, je suis en master et pour nous c'est une question qui est très difficile, je vous avoue, actuellement, parce que c'est des questions qui émergent. Moi je suis rentrée en master, c'était tout de suite au moment où je suis rentrée, il y avait les questions de, enfin, donc on postule à Paris particulièrement, il y a beaucoup cette question de l'alternance, de comment on gagne son pain en faisant un master, et il n'y a que en faisant qu'on apprend en vrai, et donc l'apprentissage c'est quand même quelque chose qui... C'est un peu la voie royale dans l'édition, parce qu'en plus tout est bouché, enfin voilà, bref. Et donc la question se pose de, bah oui, mais moi, en tant que personne nouvelle qui arrive dans ce grand milieu de l'édition, les seules personnes qui ont les thunes de m'embaucher en vrai de vrai, c'est les groupes. Et c'est quelque chose qui est hyper difficile à vivre en vrai, de se dire, ah bah... Je regarde ma classe, par exemple, la majorité des personnes qui sont en alternance sont obligées de travailler chez Hachette, de travailler chez Editis. Et moi, j'ai eu la chance de réussir à trouver quelque chose qui me permettait de m'extirper un peu de ça. Mais en vrai, travailler pour l'État, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je pense qu'il y a ces questions-là aussi. Je voulais rajouter une toute petite chose qui est en lien avec le livre des Bordés Bolloré. Je pense que s'il y a une mini victoire à soulever, même si elle reste minime et que du coup il y a des conséquences pas top à ça, c'est le fait que je pense que les groupes se rendent, enfin je sais que les groupes se rendent compte de la menace entre grands guillemets, que, enfin je sais pas si on peut parler de menace, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est très difficile aujourd'hui quand on est en librairie, qu'on tombe sur un livre d'une maison d'édition, on sait pas trop ce que c'est machin, on va sur le site, c'est difficile de savoir à qui appartient cette maison. Ils se cachent de plus en plus. Je trouve que les couvertures, c'est une folie à quel point ils copient tous toute la DA des maisons d'édition indé. Enfin, je veux dire, c'est tellement difficile aujourd'hui d'être en librairie et de se dire ça, c'est sûr, c'est de l'indé. Voilà. Je pense que c'était important à rajouter. Et du coup, voilà. Sachez que les étudiants et étudiantes sont derrière vous, qu'on est tous au courant. Certains ferment les yeux plus que d'autres parce qu'évidemment, voilà, la montée de l'extrême droite, elle est partout. Mais voilà, on est complètement conscient et consciente de ces enjeux-là et on essaye au maximum de se mobiliser et d'essayer de s'extirper de ces dynamiques, mais c'est très difficile aujourd'hui de le faire, quoi. Voilà, merci. Bonjour, je me permets de compléter la réponse en tant que nouvelle entrante dans le milieu de l'édition. Moi là comme ça je me dirais que être là et en parler et réfléchir c'est cool et c'est un bon exemple pour les futurs professionnels du livre. Moi je viens du master de Nanterre et il y avait l'association pour l'écologie du livre qui était venue en discuter avec nous par exemple et c'était super de se sentir responsabilisé comme ça, enfin pas qu'on ne l'était pas, mais de pouvoir en discuter. Et ben, c'est peut-être parce qu'il y a eu ce moment-là que je suis là aujourd'hui, alors que je ne suis pas trop habituée au milieu militant et tout ça, pour échanger, quoi. Donc, ouais, comme ça, peut-être. Et du coup, tant que j'ai le micro, je profite pour balancer comme ça, en tant que non habituée au milieu militant, tous les trucs un peu naïfs qui me sont passés par la tête, au cas où ça ferait tilt chez quelqu'un, on ne sait jamais. Ça se trouve, c'est pas possible ou c'est nul et c'est pas grave. Est-ce que ce serait intéressant un top des ventes hors Bolloré, facilement accessible pour les lecteurs et les lectrices? Est-ce que ce serait envisageable de les livres achète nul qu'on a vraiment envie de lire quand même parce que c'est super connu de on les achète pas mais il y a un système de prêt où la personne qui l'a acheté avant nous en fait elle revient le donner à la librairie et puis on peut le récupérer. Est-ce que les booktalkers et les booktalkeuses ils ont un truc à faire là-dedans? Et comment on fait pour qu'ils viennent? Et les imprimeurs, justement, on en parlait, comment on fait pour les associer? Il y en a ce soir ou pas ou... Pardon, j'arrête. Non, mais c'est super, c'est hyper pertinent. Et c'est juste que j'avais hyper envie de rebondir sur ce que tu disais, mais si t'en avais encore d'autres, comme ils sont tous géniaux, franchement, continue. Hein. Merci. Non, je crois que c'était la fin. Ok, moi j'ai une proposition qui répond un peu à, enfin qui rebondit sur ce que tu disais, sur comment on met les imprimeurs dans la boucle et sur comment on fait quand il y a des trucs, des bouquins qui sont quand même Bolloré mais qu'on adore. Moi j'avoue, j'adore One Piece. Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, quoi. C'est, quand ça sort, c'est un peu le petit, enfin vous voyez, c'est, enfin voilà, c'est, j'aime énormément One Piece. Et en plus, c'est quand même l'icône de la Gen Z qui est en train de se soulever, notamment en Asie en ce moment. Et franchement, ça me pose un énorme problème que acheter One Piece, ça soutienne Bolloré. Enfin, ça me semble vraiment genre le, enfin, j'ai oublié le mot pour dire quand c'est deux choses, un oxymore qui est vraiment très voilà. Et du coup, je me disais, moi, dans mes rêves, il y a des gens qui impriment, qui font des sortes de versions pirates. Dès qu'il y a One Piece qui sort, dès qu'il y a le dernier manga de One Piece qui sort, il y a des éditions pirates qui sortent, que du coup, c'est pas très cher, puisqu'a priori, c'est juste le coût de l'impression, quoi. Et qui sont, vous voyez, un peu sous le... Qui peuvent se diffuser. Et du coup, moi, je serais ravie, parce que j'adore avoir la version papier, j'aime pas lire les scans, quoi. Du coup, je serais ravie d'avoir ça et que ça puisse exister, quoi. Et voilà, moi, je suis pas du tout du milieu de l'édition, mais je me demandais, est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait vous chauffer? Petite incise légale, on est en direct, on parle d'édition pirate. On n'a pas le droit de faire ça, Marcel. Ça. Ah oui, on est en direct. Ouais, bah pourquoi on est en direct aussi? C'est imaginaire, si jamais ça donne des idées à des gens. Mais c'était comme un sketch ou un scénario que peut-être ça pourrait inspirer des gens, mais que c'est pas moi du coup. Oui, bah, c'est encore moi. C'est juste que tout à l'heure, du coup, quand il y a eu le petit passage qui parlait des imprimeries, je me dis que c'est vrai que c'est vraiment important ce qui se passe avec les imprimeries. Je ne sais pas si vous, dans votre... parce que j'avais regardé un petit peu votre site sur l'écologie du livre. Et est-ce que justement, vous avez... parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui impriment à l'étranger. Enfin, en France, il n'y a plus trop de... Et comment, effectivement, réfléchir à comment regrouper peut-être les éditeurs pour leur proposer d'imprimer chez des imprimeurs français et essayer du coup de, que ces imprimeurs-là puissent garder leur... Enfin, et faire un truc collectif peut-être. Peut-être que c'est des... Je ne sais pas du tout comment... Voilà, mais c'est vrai que... Oui, donc je réponds directement à cette question. En fait, il est tout à fait possible d'imprimer en France. Et si la rumeur publique dit le contraire, c'est un mensonge. Il y a d'excellents imprimeurs encore en France, aussi bien pour du noir pur que pour de la couleur, pour du broché et pour du relié cartonné. On peut tout faire en France à des prix qui sont souvent assez compétitifs, en fait. Il suffit de demander des devis. Moi, je le fais assez régulièrement et je n'imprime mes livres qu'en France, en tout cas à moins de 800 km de mon principal lieu de stockage, puisque c'est un des critères qu'on avait avec un collectif d'éditeurs dit écolo-compatible, établi dès 2010, pour justement tenter de limiter notre empreinte environnementale. Donc il y avait effectivement cette idée-là, mais il y a évidemment aussi un impact social lié à cette décision de faire travailler nos territoires. Et donc, voilà, en fait, c'est déjà quelque chose qui existe. Et je pense que, d'ailleurs, la plupart des éditeurs indépendants français travaillent avec des imprimeurs locaux. Alors quand on est à la frontière avec la Belgique ou avec l'Italie et l'Espagne, évidemment, travailler avec, c'est pas une question de, on va dire, nationalisme industriel, c'est évidemment cette proximité et le fait qu'on entretient des relations aussi fortes avec les conducteurs machines, avec les commerciaux, avec l'ensemble des équipes de ces imprimeurs, et la confiance, la fidélité permettent aussi une qualité au bout du compte qui, sans aucun doute, a une répercussion sur les ventes, donc sur la diffusion de nos livres. Et de fait, j'invite vraiment tous les éditeurs, s'il y en a d'autres dans la salle, à travailler avec des imprimeurs à proximité de chez eux, parce que c'est d'abord et avant tout du plaisir et de la qualité. Et du coup, ça va très bien parce que, en fait, j'avais oublié deux trucs sur l'imprimerie qui ne sont pas des idées, c'est juste des choses que j'ai entendues, vues et à quoi ça m'a fait penser. L'autre jour, il y avait un webinaire de la région Grand Est sur la librairie Quartier Libre qui parlait de l'impression à la demande et de leur. C'est une librairie à Bruxelles, tout le monde a l'air de connaître. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une librairie, mais qui fait aussi espace de plein de choses autour du livre. Et ils ont notamment un robot d'impression à la demande. Et ils travaillent avec des éditeurs pour avoir des livres disponibles. Et où leur principe, enfin, leur idée, c'est on arrive, on peut se poser et boire un café. Et le temps qu'on ait bu notre café, le livre qu'on venait d'acheter est imprimé, alors qu'il n'était pas là au départ. Et ça m'a fait penser au One Piece, mais peut-être j'ai pas le droit de le dire. mais après, peut-être c'est un robot qui coûte très cher, ça c'est possible, on n'en a pas discuté. Il appartient à Hachette. Ah, c'est terrible ça. Bon bah, oubliez ce que j'ai dit alors. Comment? Ah. Et sinon, ça m'a aussi fait penser à une discussion que j'avais eue avec Virginie Simaniac des éditions du Ver à Soie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle, quand son fabricant a fermé, je crois, elle a décidé de fabriquer ses livres elle-même. Et du coup, elle va à l'imprimerie à côté de chez elle et elle a un accord avec son imprimeur. En gros, elle imprime toute seule. Et on disait, oh, c'est bizarre qu'il n'y ait pas plus d'éditeurs qui achètent une presse ensemble pour la faire tourner, parce qu'elle, elle n'a pas besoin de la presse tout le temps, évidemment. Et voilà, je laisse la question en suspens. Bonsoir. Je suis auteur d'un seul livre, mais j'ai eu le temps un an ou deux de tester deux, trois trucs. Évidemment, un auteur, on aimerait bien que les gens qui prennent le train puissent trouver notre bouquin. Alors c'est une question, en fait, plutôt une idée pour les jeunes qui rentrent dans le monde de l'édition. Moi, je suis assez militant sur l'eau, et dans le monde de la gestion de l'eau, il y a des gros acteurs, depuis la Générale des Eaux. Donc c'est ces gros groupes de milliardaires. Et en région parisienne, il y a déjà des petites assos qui ont repris 100, 150, 200 communes de gestion des eaux. Pourquoi pas des jeunes libraires, vous pourriez reprendre quelques gares. Quand on s'attaque à la Lyonnaise des eaux, je pense qu'on peut aussi s'attaquer au relais Hachette. C'est-à-dire que c'est possible. Et c'est des gens qu'on rencontre souvent dans les milieux militants de l'eau. C'est un petit bonhomme avec sa mallette, le moins sexy militant possible, pas de kéfier, rien, un tableur Excel. Et il a repris 150 communes à la Lyonnaise des Eaux. Donc ça, je trouve ça très, très beau comme geste. Bon, voilà, ça, c'est une première idée. Ça pose la question, évidemment, ouais, en tant qu'auteur, on aimerait diffuser partout, que nos idées soient entendues aussi bien dans un petit libraire que chez Hanouna. En fait, le truc, c'est il faut aller chercher sur les marchés, je ne sais pas, moi je suis allé tracter en Corrèze pour le Nouveau Front Populaire, ben j'allais voir pas que nos gars, j'allais voir les mecs qui tournaient autour du stand Bardella, parce qu'il faut aller les ramener les gens, donc il faut aller les ramener, et donc il faut aller les chercher où ils sont. Et ils sont au relais H, ils sont à la grosse librairie, etc. Moi je ne sais pas trop quoi en faire de cette idée. One Piece, Oxymore, moi je dirais plutôt Société du Spectacle en fait. C'est-à-dire que quand ce élan de rébellion en BD est diffusé par ces gens-là, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le lire. Moi, je trouve que votre solution est très chouette. Et si ça a mis le feu en Indonésie et dans plein de lieux, c'est super. Mais je pense que nous, en tant qu'Occidentaux, moi, j'adore le bacon. Bon, ben, à un moment, j'ai arrêté de manger du bacon, en fait, parce que j'ai décidé que ce qu'il y avait derrière le bacon ne me plaît pas du tout. Ben, c'est un petit peu... moi, je trouve... Enfin, c'est ce qui m'est venu tout de suite, en fait. S'il y a une chose dont le process ne nous plaît pas, à un moment, même si le propos est rigolo, ben, faut faire sa part des choses. C'est mon point de vue. Voilà. Et le dernier truc, depuis quelques années... Ben, en fait, on aurait envie de déborder Bolloré, on aurait envie de libérer la Kanaky, on aurait envie de Free Gaza, on aurait envie... Et il y a une fatigue militante. On n'est pas assez, en fait. On n'est plus assez pour déborder Bolloré, on n'est plus assez pour libérer la Kanaky, on n'est plus assez pour aider les hôpitaux et les écoles. À un moment, il y a une... Enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc, c'est qu'on n'arrivera pas, dans ce système-là, à déborder Bolloré. On se fera défoncer la gueule par un coup de matraque à chaque fois qu'on touchera une librairie. C'est de plus en plus présent. Donc, un gros, gros cœur géant à tous les marque-pages, à toutes les petites actions. Il faut continuer, il faut former les gens. Il faut que les gens découvrent le petit pas de côté, le geste illégal. C'est fantastique. Il faut se former, il faut continuer à sauter des barrières, des barricades, etc. Mais à un moment, c'est lutte des classes, c'est antifascisme, c'est retourner le système. Il n'y a pas... déborder Bolloré, la seule façon, ça sera ça. Voilà. Enfin, pour moi, je ne vois pas trop d'autres alternatives. Salut tout le monde. Je voulais apporter peut-être une petite note d'espoir aussi et de perspective possible par rapport à tout ce qui s'est dit. Notamment avec ce qui se passe en ce moment avec la continuité de revenus pour les artistes auteuristes, parce qu'en fait la continuité de revenus implique quelque part de faire rentrer les artistes auteuristes dans une forme de salariat, ce qui les fait sortir de la dépendance des ventes. Du coup, la question du choix après d'être édité là ou là, elle se posera peut-être un peu mieux. Et donc, du coup, là, et en vrai, la continuité de revenus, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'émerger, qui peut voir le jour. Et du coup, sortir les auteurs de la politique du droit d'auteur, en fait, qui base tout sur, du coup, la rente qu'on fait sur les ventes d'un livre plutôt que sur le travail qui est effectué avant. En vrai, ça, c'est en train d'avancer, c'est en train d'arriver. Il faut continuer à soutenir cette campagne-là. Et de manière aussi un peu plus large que seulement le côté de l'édition, parce qu'on a parlé des coûts de production, effectivement, et qui est un vrai enjeu, c'est-à-dire la bataille matérielle et économique, et du coup la lutte des classes. Ce qui est en train d'émerger aussi en ce moment, et on va essayer de faire ça dans Culture en lutte, en intersyndicale, avec la CNT, la CGT et Solidaire, bon, c'est en construction, c'est l'idée de sécurité sociale de la culture. Et la sécurité sociale de la culture, en gros, pour la faire rapidement, c'est de mettre une cotisation patronale. Donc après, ça peut être soit sur la valeur ajoutée de ce qui est produit, de la production culturelle, soit sur le travail, les salaires, etc. Ça peut être une cotisation qui est payée par le patronat. Bon, voilà. Bref, c'est un enjeu de lutte des classes. Et en fait, l'idée de ça, c'est de pouvoir générer une grosse quantité d'argent gérée par des travailleuses et des travailleurs du milieu de la culture, en dehors de l'État, et ensuite de flécher tout ça vers les lieux alternatifs, c'est-à-dire vers les lieux qui sont vers les librairies indépendantes, les cinémas indépendants, vers la musique alternative, etc., des lieux qui sont très précarisés, qui manquent justement d'une vraie distribution pour pouvoir rentrer en compétition avec les grosses écuries, pour pouvoir aussi faire des avaloirs corrects aux artistes-auteurs, etc., et faire vivre tous les artistes et les travailleuses de la culture. Donc je pense que cette idée-là aussi, c'est une idée qui est très large, il faut qu'on se mette tous dedans, la sécurité sociale de la culture, et ça touche tous les secteurs de la culture, et voilà, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à faire aussi de ce côté-là, quoi. Merci. Ouais, on va prendre juste encore une ou deux interventions, voilà, parce que le temps file, mais donc voilà, c'est pas pour vous mettre la pression, écoute, mais du tout. Bonjour, je vais être très brève. Sur les livres, les manuels scolaires, ce qu'il est important de penser, c'est qu'il y a les parents aussi qui sont une force qu'on peut mobiliser, parce que je crois que la prescription, ça se fait au niveau des établissements et des rectorats, et si on ne peut pas passer par le haut, on peut peut-être passer par en bas. C'est encore plus bas, ça se fait par les profs, il me semble. Du coup, effectivement, les parents d'élèves peuvent jouer un rôle assez important, et c'est d'ailleurs un peu le pari de cette initiative, c'est de mobiliser à la fois les profs, mais les parents d'élèves, et pourquoi pas d'emmener votre enfant faire sa première manifestation, ce genre de choses, quoi. Moi, très rapidement, je voulais juste répondre à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de reprendre les relais, etc. Très bonne idée. Moi, j'ai une petite question. Je ne sais pas si quelqu'un travaille dans la presse ou est au courant de comment se gèrent les kiosques, mais moi, je me disais que peut-être, étant donné que j'ai l'impression qu'ils sont plutôt indépendants, en tout cas plus que les relais, ça pourrait peut-être être un moyen de rentrer dans la rue, quoi, enfin, d'être plus accessible. Je sais pas, qu'il y en a autour des gares un peu plus, j'en sais rien. Voilà, c'est une idée que je vous donne. Ma question était assez proche. C'était sur les relais aussi. Désormais Bolloré, est-ce que vous êtes intéressé à, j'imagine que oui, aux relations entre les relais et la SNCF? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de rendre embarrassant pour la SNCF ces contrats? Est-ce que ça, un terme pourrait être mis un jour ou les pousser à? Les relais, en tout cas, c'est sûr qu'on s'est concentré dessus à un moment, notamment pendant les journées d'action décentralisées contre Bolloré. Les relais ont été une cible assez importante, parce que en vrai, si jamais il n'y a pas d'entrepôt de Bolloré Énergie, ou s'il n'y a pas, d'entreprise, etc., il y a très certainement un relais proche de chez vous. Donc plein de groupes se sont plutôt attaqués aux relais. Et après, sur le lien entre... mettre la pression à la SNCF, c'est que la SNCF avait quand même accepté d'avoir la pub des livres de Bardella placardés dans toutes les gares, etc. Alors au final, ça a été annulé. Oui, ça a été annulé. Et dans tous les cas, ça a quand même fait une sorte de pub monstre pour Barzella. Il y en a même qui analysent ça comme une sorte de... On se doutait dans tous les cas que la SNCF, à un moment, allait refuser. Donc ça allait faire encore plus de scandales et donc plus de pubs pour Barzella. Mais en tout cas, la piste qui a plutôt été intéressante, c'était chez Sudrail, où ils nous ont dit que, en fait, les syndicalistes qui sont dans le ferroviaire, en fait, ils connaissent bien les employés des relais. Et donc, il y a de ce côté-là, en tout cas, des pistes intéressantes de liens à tisser. Mais ça n'a pas été creusé, faute d'énergie à mettre là-dessus. Ouais, pour une réponse là-dessus, c'est juste que historiquement, ce pourquoi Louis Hachette et sa librairie ont fait fortune dans le 19e, c'est parce que justement, ils ont créé une infrastructure de diffusion de bouquins par et pour les gares, et qui d'ailleurs après a énormément servi aux nazis et au régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce pourquoi Hachette n'a pas été défait et pas nationalisé. Après 45, en fait, historiquement, le lien entre Hachette et les gares, c'est ça le point nodal, que en fait, on peut dans les gares vendre tout et n'importe quoi aux gens parce qu'ils prennent un train à prendre, et la force de pouvoir de Hachette vient de ça. Donc en fait, Hachette et la SNCF, c'est symbiotique depuis 200 ans. Enfin, on peut pas toucher à ça. Et l'autre chose, c'est pour les kiosques. Ben, en vrai, contrairement aux librairies où il y a un peu un choix, où on peut un peu tisser dans l'assortiment, les points relais. Enfin. Les kiosques, ils ont un peu des offices qui arrivent de trucs de presse où en fait tu peux pas vraiment négocier de ce qui se passe. Donc c'est là où c'est compliqué, c'est sur les points de vente. Et en plus souvent, dans les points relais, les gens ne sont pas propriétaires du point relais, c'est juste des salariés du truc. Enfin, du coup, ils ont vraiment un taf de mise en place, mais aucun choix de ce qui peut arriver là-dedans. Donc c'est possible d'aller parler aux gens, mais ils n'ont pas vraiment de point de pouvoir parce qu'ils ne sont pas propriétaires de leur outil de travail. Mais par contre, ne pas hésiter. Enfin, vraiment, moi, il y a un truc de prendre le train et de voir la grosse tête de Zemmour, de Bardella et de Philippe de Villiers dans toutes les gares quand tu prends ton café. Enfin, un café, ça se renverse. Ou ça peut se renverser et c'est dommage. Et les livres, ça peut se retourner, ça peut tomber. Enfin, voilà. Enfin, genre, juste le point relais. De toute façon, les gens s'en foutent s'ils sont juste salariés de ce truc-là. C'est pas leur outil de travail, c'est pas leur bouquin. Et puis voilà. Ouais. Ouais. Parce que du coup, là, on part un peu au fil de l'eau, mais genre, si... Peut-être sur un autre truc qui peut donner de la force en ce moment, et c'est peut-être aussi pour remettre la question du boycott, mais c'est pas directement sur l'extrême droite, mais c'est le milieu de la BD et ce qui se passe à Angoulême. Enfin, en fait, pour énormément de gens, Angoulême, c'était un peu un truc de genre, on peut pas s'y attaquer, on fait énormément d'argent, une part importante de nos revenus annuels là-bas, que ce soit des dessinatrices indés, mais aussi des grands groupes, et en fait, là... Parce qu'il y a un appel répété au boycott depuis plusieurs années, là c'est vraiment en train de s'effondrer. Et enfin, je pense que du coup ça peut aussi donner de la force de dire comment est-ce que les auteurs des mots prennent un peu la, enfin surfent aussi sur ça et essayer de massifier un peu ces mouvements-là pour faire tomber des trucs qui nous semblent pas bougeables. Voilà. Je rebondis sur ce que disait la personne par rapport à la sécurité sociale de la culture. Alors j'invite évidemment tout le monde à se renseigner sur le processus, sur les groupes de travail, sur les débats d'idées, etc. Et en même temps, dans le fonctionnement, dans le fond et dans le... Enfin, tout est vraiment à soutenir, mais il y a aussi une question d'hermétisme, je trouve, entre nos milieux indépendants, de critique du système en place, etc. Enfin, en tout cas, c'est absolument. Enfin voilà, on est quand même entre. On débat, mais on est quand même plutôt d'accord sur le fond. Enfin, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que. Cette sécurité sociale de la culture et ou cette continuité de revenus, elle existera parce qu'il va falloir convaincre aussi les personnes qui sont en face de nous, qui sont pas du tout dans les mêmes réalités, ni matérielles, ni existentielles que nous, et que ça se joue à la fois évidemment par du de l'interpersonnel. Enfin, voilà, je parle de justement de relations qui peuvent se créer entre les outils de travail et le lectorat. Enfin, vraiment toute la chaîne du livre de manière assez schématique, quoi. Mais ce qu'on est en train de faire là, et enfin, moi, je trouve ça intéressant de mettre des visages sur des diffuseurs, sur des libraires. Enfin, sur voilà, quand même, ça fait du bien de voir que c'est des gens et qu'on peut les écouter et qu'on peut discuter avec ces personnes. Et je pense que pour, enfin, c'est pas du tout j'ai pas d'issue avec ça, hein, mais je dis juste que c'est aussi peut-être un peu notre pas notre responsabilité, mais aussi notre travail en tant que personnes qui justement essayons de trouver des issues et des outils et un répertoire de tactiques et de luttes et de plein d'initiatives. À la fois du marque-page jusqu'à une proposition de loi, quoi, d'aller aussi à la rencontre des personnes qui sont nos détracteurs, en fait, et de pas se limiter en tout cas, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des personnes qui soient pas du tout d'accord avec nous, qui soient avec nous là maintenant, en fait, et qu'on puisse ouvrir un peu ces formes-là de débat. Et c'est pour ça que, enfin, je rebondis un peu l'espèce de truc que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux élections municipales, mais je pense qu'il y a un enjeu justement politique assez concret sur la politique locale d'une mairie à l'autre, en fonction des implantations des villes, etc. Mais que en fait, on n'est jamais vraiment sûr de ce que pensent nos voisins, nos voisines, et que proposer des moments de discussion, alors qu'ils sont peut-être plus ouverts que simplement, en tout cas, à la sphère de l'édition et ou de la culture, mais à évidemment plein d'autres problématiques, mais que la bataille des idées, elle se fait aussi concrètement en conversant avec les gens, quoi. Et voilà, c'est tout. Enfin, c'est juste de dire que c'est tout. Voilà. Alors juste, ça va faire un peu plus de 2 heures qu'on est en train de parler. C'est trop cool parce qu'on était venu avec plein de questions de on en est où de notre lutte par rapport à Bolloré dans le bouquin. On voit que plus on parle, plus il y a plein d'autres questions qui arrivent qui sont hyper chouettes. Le problème, c'est que là, plus le temps passe, plus on perd des gens au fil de l'eau. Du coup, ma question, c'est est-ce que à la fois, ce serait pas le moment de passer sur des discussions plus informelles, mais aussi, c'est quoi les suites qu'on donne à ce moment-là? Parce que moi, je trouve que c'est chouette, c'est important, c'est cool. Enfin, je sais que si nous, on avait appelé à venez, on parle du bouquin, est-ce qu'on fait de nos bouquins? En vrai, on aurait été 4. Ou en vrai, on aurait été 10. Mais en fait, du coup, il y a un moment où c'est trop bien ce qui se passe en ce moment. Mais c'est quoi les suites de ce qu'on se donne à tout ça? Et je trouve que ça lance plein de discussions où j'aurais envie de poursuivre. Mais c'est quoi les formes qu'on a envie de faire ça? Est-ce que si on laisse traîner une feuille à la fin pour demander des blast signal pour se faire une conve ou une liste mail, ça pourrait être bien ou ça va être trop chiant pour tout le monde? Ou alors on se dit qu'il y a d'autres gens qui ont envie de prendre en charge ici quelques semaines, mois, une prochaine orgade d'une discussion comme celle-là en tome 2. Enfin voilà, je sais pas, mais... La feuille, c'est bien? Des mails? Des mails, ok. Ouais, c'est trop cool. Ouais. Mais genre, si on vient ce qu'on fait une prochaine réunion pareille, genre dans 3 mois, ça pourrait être chouette. Dans 3 mois, ici, à la parole? À la même heure, ouais. À la même heure? Les gens de la parole, c'est noté? C'est, je sais pas, qui veut dire un mot de merci, mais moi vraiment merci, c'était trop cool pour ce soir, j'étais content. Ah oui, merci. Je voulais juste faire une micro-annonce pour dire aussi que le 17 décembre, il y avait toute une réunion qui est organisée autour des manuels scolaires. Alors, je pense que ça va se passer à Césure. Voilà, on ne choisit pas toujours. Dans tous les cas... Voilà, si c'est un sujet qui intéresse certains, certaines, il ne faut pas hésiter à venir. Je ne me rappelle plus de l'horaire, mais je crois que c'est sur le site de Débordé Bolloré. Voilà. possiblement. Je pense que le site de Débordé Bolloré est un meilleur centre de ressources pour ce genre de, choses. Voilà, donc 17 décembre. Et peut-être qu'on peut du coup maintenant continuer toutes ces discussions en format plus informel. Il y a le bar qui est là-bas, il y a plein de marque-pages qui sont là. Et le 4 décembre, hyper important, il y a Astérin qui fait sa nuit du bien commun aux Folies Bergères, détenue par Bolloré. Faut pas que ça arrive. Non. On sera beaucoup à être là pour pas que ça arrive. Voilà, restez attentifs à ça, c'est important.